moi le temps froid. Eh bien oui, ça a été inventé au 19e siècle par Margaret A. Wilcox pour réchauffer ses orteils froids. Voilà. Alors, qui a inventé la bicyclette? La bicyclette. C'est un homme, ça. Ouais, c'est un homme. Ouais. Vous avez vu mes feuilles ou quoi? Mais non. Bah non, on est juste culturés. En même temps, on a une chance sur deux, hein, chouchou. Oui, donc, Bah oui, ça a été inventé par Pierre Lallemand en 1860. Il était français? Oui. Oui. C'est sûr, il était français, pas allemand. Pierre Lallemand. Oh, le. Allez, on enchaîne. La bicyclette. Qui a inventé le Monopoly? Une femme, un homme. Non, une femme, il y a de l'argent dedans. Un homme. Oh mec, je rigole, c'est cliché là. Eh bien Marco, tu as raison. Bah, c'est voilà. Maggie qui a inventé, au début ça s'appelait le jeu du propriétaire. C'était à l'idée au début pour démontrer les effets tragiques de l'accaparement des terres. Et puis petite pépite hein, pour la fin, moi j'adore. Qui a inventé les toilettes? Les toilettes, Jérém. Ça doit être des femmes. Non, moi je dirais un homme, moi, les toilettes. Ah ouais, c'est bien. C'est Monsieur Toilette. C'est un homme. C'est Thomas Crapper qui a inventé la toilette à eau. Et alors, il y a aussi les toilettes à terre, donc les toilettes sèches. Ça a été inventé par Thomas Seaburn. Non, je te crois pas. Je te jure. Comment il s'appelle? Thomas Seaburn. C'est pas vrai. C'est pas possible. Un grand slip hein, pour mettre. Thomas Seaburn qui invente des toilettes, c'est génial. C'est génial. Eh ben, merci beaucoup. Et bien voilà, oui, on a terminé par. Applaudissements pour toi. C'est la première chronique qu'elle réussit sans se tromper. C'est génial. Elle n'en peut plus. Retrouvez les meilleurs moments du 6-9 en podcast audio et vidéo sur l'appli Énergie Belgique. C'est le 6-9. On y va. On t'a pas dit de ne pas t'amuser avec Ryan du Fever. Pourquoi? Magic System encore! Avec Khaled! Je suis là! Avec quoi la belette? Oui, Will the Belly! On se fatigue jamais! Jamais de la vie! Jamais de la vie! On met l'ambiance, y'a pas de problème! Khaled Magic System, ça c'est le son qu'on aime! Partout c'est la même, pas fatigué, c'est le thème! Même pas fatigué!

Chez Léonidas, on trouve des Saint-Nicolas au chocolat. Chocolat 100% pur beurre de cacao, sans huile de palme, et déjà à partir d'1,60€. Léonidas, la boîte à bonheur. Il est 6h, bonjour. And you're listening to Énergie. C'est jeudi, jeudi 22 novembre, on est là comme chaque matin. Oui, bonjour 6h01, on espère que tout va bien pour vous, jeudi, jeudredi. Eh ouais, ça c'est bien la Belgique pour ça. Ouais. Un petit Tom Jones. Allez, comment n'as pas-tu envie de mettre un pied par terre et de sortir de ton lit quand t'entends ça? Ah, oh, sans blague. Ah ouais, là, tu vas te brosser les dents en dansant, hein, tu sais, c'est... sur Énergie, je vous rassure. Tout le monde, quand on entend cette chanson, pense à Carlton dans Le Prince de Bel-Air. Oui, enfin, moi je pense à Carlton. Quoi, l'hôtel Carlton ou... Mais non, Carlton, dans Le Prince de Bel-Air, le cousin de Will Smith. Quand à un moment il commence à le danser, là, tu vois la danse de Carlton. Ah, d'où ouais, c'est ouais. Cette chanson. Voilà. Soprano qui dit danse la Carlton. Danse la Carlton. Bah tout se joint, mec. Tout se joint. Tout vient de Tom Jones. Non, c'est novembre, là, pour l'instant. 22 novembre, soyez bienvenus, les copains. Il y a Stephen. Et c'est le Steve pour coller les feuilles. Il y a Tiffany, ça va bien? Mais oui, très bien. Et toi? Bah, impeccable. Il y a Jérémy aussi qui est là ce matin. Il y a mon Frisco. Bonjour tout le monde, bonjour Marco. Il y a Yannick à la rédac. Salut à tous. Comment ça va? Ça va super, et toi? Bah, c'est génial. Ça va. Quel temps il va faire aujourd'hui, mon Yannick? Bah, ce matin, des nuages, de la brume et quelques bandes brouillard également. Des plaques de givre sont possibles également ce matin. Faites attention sur les routes. Quelques éclaircies en cours de journée. Il fera assez froid avec des maxima de 3 degrés au Fagne et 7 degrés ailleurs. Oh, on est bien en chaud, moi, je te le dis. Ah ouais, on est bien. Sortir le tricot et ça va aller cet après-midi. Dans un petit instant, on va faire un petit ping-pong star. Avant ça, on va vous raconter notre soirée, mais en chanson. Ah ouais. Et vous allez voir deviner. Alors, en chanson. Chanter, une chanson qui va décrire ta soirée. Ok, ça va. Le titre ou le. Ouais, j'ai compris. Le rythme, le. Je sais pas ce que t'as fait hier soir. Donc ok. Cela ne regarde que toi. tu nous dis ça dans un petit instant en chanson et on va tous le faire. Voilà. Ok. Tiffany, j'ai déjà peur d'avance. moi aussi, je flippe. Ah ouais, ouais, vraiment. Ah, gadou, doudou. 6h03, voici Dimitri Vegas, c'est like Mike. Trees. It's true if you believe, you can get anything you want to achieve. And that's worth to everything tatted on my sleeve. It ain't what you see, a G is underneath. I've left plenty positions of feeling comfort. When shit ain't cool, fools run for it. You gon' remember my name when I'm done with it. And when it's said and done, I'll be at the top where the summit is. 10 toes, we the ones who run it. Everything running smooth, there ain't no dysfunction. If we talking money, homie, that's a good discussion. I'm talking motivation with no interruption. When I grow up, I wanna be like Wiz Khalifa. Have lots of cool stuff. When I grow up, hear my music through the speakers. I wanna feel love. When I grow up, I wanna have enough to pay the bills. And buy my mama a house upon a hill. I wanna be like Wiz Khalifa. When I grow up, when I grow up. I'ma always give my all, yeah. Haters talking down, they wishing that I fall, yeah. Every time I get a chance, know that I ball, yeah. Anytime I need my game, they right there for me. I go hard, yeah, from the start, yeah. Never tried to rush things, I play my part, yeah. Never said it's easy, they could make things hard, yeah. Every time you see me, look like we performing. I'm a star, yeah, living large, yeah. Look at me like a boss because I paid the cars, yeah. Had to slow it down, I had too many bars, yeah. Now I got the younger kids singing out. When I grow up, 6h06 sur Énergie. Bonne matinée avec nous, Soprano. Extrait du nouvel album de Soprano, Papa à la vie, à l'amour. C'est l'album Phoenix. Il va venir bientôt, tiens, nous voir, Soprano. Oh, cool. Ouais. Soprano. Je vous donne la date. Je vais rechercher, je vous donne la date juste après, parce que j'ai reçu un mail hier pour ça, justement. Madame Wendy, vous savez, c'est sans patronne ici, hein. C'est elle qui fait tout. Et non, mais c'est vrai, j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est vrai, il y a Soprano Baba, c'est énorme. Il sera là bientôt. Et voilà, je vous dis ça dans un petit instant. On va écouter Soprano, il y aura aussi Panic at the Disco, ça va être énorme ça. Et on va surtout maintenant vous décrire notre soirée, mais en chanson. Une chanson pour décrire la soirée d'hier soir. Tout simplement. Vas-y. Jérém. Alors moi, ma chanson, c'est... attends. Ah oui, c'est bon. Aspirer, astiquer. C'est pas les bonnes paroles, mais bon, c'est... Ouais, mais c'est ce que j'ai fait, quoi. Et ta zone. T'as fait ta femme de ménage. Ouais, c'est t'as, ça. T'as fait la femme de ménage, quoi. J'ai fait la femme de ménage hier soir. Ouais, j'en pouvais plus, j'en peux plus des cheveux de ma copine dans la salle de bain. Mais tu veux que tu préfères qu'elle soit chauffe? Tu sais que non, c'est un signe d'intelligence de perdre ses cheveux. Ah bah, ouais, mais faut arrêter de trouver des signes d'intelligence partout. Là qui se ronge les ongles, il est prépubère, là qui dit non, c'est bon, mais sans déconner, ça me saoule ça. C'est ce qu'on trouve souvent sur Facebook. Mais ouais, je te jure, le mec en retard. Si tu perds beaucoup les cheveux, t'es très intelligent. J'ai vu ça aussi par rapport à toi, d'ailleurs tu l'avais partagé, t'étais fier. Hein. Ouais, bah, c'est vrai. Les mecs en retard, soi-disant, c'est les têtes de l'univers. Tu vois, ils ont inventé le jaune, les gars. Non, bah, arrête un peu. Oh là là. C'est vrai, je l'ai partagé en mode voilà mon excuse. Ouais, non, le pire, c'est ceux qui sont nés en novembre, eh ben c'est des durs à cuire. Là, tu fais mais. Et alors t'as tout ça pour tous les mois. Nul. Allez, au suivant. Tu peux pas mettre un extrait. Mais je cherche, mais oh j'ai, là là j'ai tapé astiquer, mais j'ai pas. Ça m'amène pas à ça, astiquer. Ça m'amène et à. Et si regarde, tu tapes Maldon. Non, mais regarde dans le B, tu vas voir, il est tout en haut. Mais c'est vrai. Mais oui. Oh, Maldon. T'as bien. Parce que je fais bien des. Je fais bien mon travail de temps en temps. C'est incroyable, ça change d'habitude. Toujours pépon, c'est qu'elle dit, elle a fait pimpant. Pimpant, comme genre, c'est pimpante. Comme les pompiers, pimpante, fais bien le pompier, toi. Hein ouais. Viens, on fait un peu. Pimpante. Ouais, c'est ça, elle pourrait faire le pompier. Tu fais le plusieurs fois. Pimpant. Allez, non, allez, non, mais très vite. Pimpant. C'est un pompier avec un accent. Ouais, celui qui va retirer les guêpes, hein, celui-là, c'est celui. Bah tiens, justement, Tiffany, ta soirée d'hier en chanson, ça donnait quoi? Bah ça va sur ma planète. Hein? Bah oui. Tout va bien quoi. Bah oui, tout va bien. Parce qu'en plus ça c'est va. Sur ta planète en ouais, plus. Ouais, ça c'est va. Vrai. Et c'est puis vrai, Cava puisque on s'est dit on va fêter notre emménagement. Et donc on a acheté une petite bouteille de Cava. Bah alors t'aurais dû chanter Cava, Cava, ouais, Cava. Ouais, Cava, Cava. Bah ouais, mais bon tu vois, c'était un jeu de mots et je l'ai raté. Ah c'était ça le truc? Oui. Ok. Hey, voilà. Ah, il m'a fallu une demi-heure pour la retrouver, moi c'est impeccable. Tu me demandes. Comment ça va, Cava, Cava, Cava, Cava. Je te répondrai ça va. D'accord, Cava, Cava, Cava. Ouais, voilà. Très bien. Bah, c'est bien ça, vous avez fêté ça. Ouais, petite soirée au calme. Oh, en amoureux, c'est mignon. Vous c'est avez mignon. Fait péter une bouteille de champagne. Ouais, et on a gardé le bouchon, on s'est dit on le gardera en souvenir. Mais c'est génial ça. Petit bouchon de Liège. Et puis tu vas faire un vase avec plein de bouchons, ouais, comme plein de gens font. Et on va mettre des petites lampes dedans. Ouais, mais super, mais on s'en fout. Hey. Dis, ça va. Qu'est-ce que t'as contre les gens qui font des vases avec plein de bouchons? Ça te pose un problème? Le mec qui boit une bouteille de vin tous les jours. Qui veut marquer le coup tous les jours. Je vais le garder en souvenir. Qu'il est con celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Frisco? Ouais, bah moi c'est comme d'hab, hein. J'ai bien mangé, j'ai bien mangé, j'ai bien mangé, j'ai la peau du ventre, bien tendu. Ok. C'est la base quoi. Qu'est-ce que t'as mangé hier soir? J'ai mangé une escalope panée avec purée. Salade. Oh, ça fait longtemps une escalope panée. Ah ouais. C'est bien ça. Très bon. C'est bien ça. Non, c'est fait un poulet frit. Mais on s'en fout. On s'en fout de ta vie, c'est incroyable. On m'a jamais posé la question. Mais oui. Et toi, Marco, c'était quoi? Voilà. Moi, c'est... la chantani cantare. Ou la tati tari tatatam mammari balabim mara. De quoi? Non, surtout que Marco a été mangé à l'italien, à mon avis. Oui, tout simplement. Ah. Italiano. Ouais, chez Bruno, d'ailleurs. Big up. Bon, à ce temps-là, ils sont pas réveillés, mais c'était très bon, très sympa. T'as gardé le bouchon de Liège? Non, il n'y avait pas. Ah non. Non, il n'y avait pas. Sur les bouteilles d'eau, ils font pas. Voilà. Hier, on était à l'eau. Pardon. Une eau fort rouge, hein, mais. Je sais pas pourquoi, mais je te crois pas. Elle était fort rouge, l'eau, quand même. Mais. Si t'avais mis beaucoup de grenadine, c'est tout. Et puis non, 14 degrés, j'ai jamais vu ça, moi. Voilà, c'est incroyable, dis donc. C'est déjà l'hiver, hein. 14 degrés, ça caille, hein. Dans un instant, paniquette de disco. On fait un ping-pong star aussi avec vous ce matin. Il y a les concons de la semaine. Oh, il y a de la pépite ce matin, je vous le dis. Ah, il y a des gars, ils ont fait très fort cette semaine. Ça arrive après Soprano. Ma maman dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, ça t'en remercie. Vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme inutile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis. C'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie. C'est comme ça la vie. Maman m'a dit laï, laï, laï, laï, la la laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, laï, la la laï, laï, laï, laï, laï, la la laï, laï, laï, laï, laï, la la laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. D'où je venais, mais surtout qui j'étais. On avait peu, mais on savait donner. Elle m'a toujours dit, chez nous, l'accueil est inné. Sauf que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué. Mais surtout, ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman m'a dit, le monde, il est fêlé. Change avec ton humanité. C'est comme ça la vie. Oui, offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer. C'est comme ça la vie. Ma maman m'a dit, laï, laï, laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. J'espère que toi bien ce matin. Les fifous sont là. Le 6-9 est là. Mais oui, ouais, ouais. Ouais, doucement, doucement. Les gens se réveillent quand même. Pardon. Panic at the Disco. J'adore ce titre. Enfin, en même temps, on dit ça. Ça, ça va crier aussi, hein. Ah, il faut ce qu'il faut pour se réveiller, les copains. Les concours de la semaine qui vont arriver pour vous. Et on vous rappelle aussi qu'on fait une émission en public tous les derniers vendredis du mois. Et là, ça tombe le 30 novembre. C'est pas ce vendredi-ci, c'est vendredi prochain. Ouais. Ça va très très vite. J'ai l'impression que la dernière émission, c'était hier, dernière émission en live. C'est vrai. Avec notre ami Claudio Grappéo qui était notre invité. Qu'est-ce qu'il était sympa. Oh, il est adorable, vraiment adorable. Et c'est le parrain, donc on est fiers. J'ai hâte d'entendre son album. Parce qu'il met à chaque fois des petits extraits sur Instagram. Des teasings. Et j'ai vraiment hâte d'écouter son album, il a l'air vraiment bien. Eh ben, on verra ça. En tout cas, la prochaine invitée, monsieur, ce serait une dame, une demoiselle, c'est Léa Passy qui sera avec nous le 30 novembre prochain, qui va venir faire son live ici. Léa Passy. On cherche un passage sans boussole. Elle nous fera son nouveau hit en live aussi. Et voilà, elle sera là. Donc si vous voulez venir les fifous, c'est très simple. Il suffit d'aller vous inscrire sur energie.be. Et alors, blague à part, on a lancé un vieux défi tout pourri. Merci, oui, Jérém. Non, ça je confirme, c'est tout pourri. Merci, Jérém, pour mais ce... Non, mais c'est, c'est tout pourri, c'est tout pourri. Ouais, je suis d'accord avec vous. Hein. Jérém a lancé que si on arrivait à 10 000 sur Instagram, ennuisette pour tout le monde. Enfin, à la base, c'était Frisco, mais... Oui. Mais... Non, mais je vous jure, je prends un pyjama au cas où que vous... Je vous jure. Hein. Non, non, vraiment, Frisco. Les gars, je vous connais par cœur. cœur, vous êtes mes potes. Je vous... Déjà, calme-toi, on est loin d'y être aux 10 000. Mais si jamais on est aux 10 000 la semaine prochaine sur Instagram, c'est les fifous du 6-9 sur Énergie pour nous retrouver. Eh bien, on viendra faire l'émission en nuisette. Ouais, mais moi, je les sous-estime pas, les fifous, tu vois, c'est pour ça que ça me fait flipper. Et la bonne nouvelle, c'est que Léa Passy sera aussi en nuisette. Ah oui, monsieur. Si on arrive à 10 000, j'espère qu'elle sera en nuisette. Non, à pyjama, elle, je la vois bien, ouais, pyjama. Pyjama concours. Mais il faut arriver à 10 000 pour voir Frisco en nuisette. Et oui. J'irai aussi avec ses belles jambes poilues. Oh, c'est vrai. Des belles jambes, des belles jambes, des belles gambettes. Allez-y, venez, c'est les flifous du 6-9 sur Energy sur Instagram pour nous retrouver. Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. C'est la playlist Énergie. Playlist Énergie. Hit Music Only. Macro, Flash Info. Chef étoilé ou passionné de cuisine, entrepreneur ou bricoleur du dimanche, association ou famille nombreuse, la carte Macro est aussi pour vous. Alors, professionnel ou particulier avec ou sans numéro de TVA, demandez votre carte sur bienvenuechezmacro.be. Macro, vous avez tout d'un pro. Jusqu'à samedi, chez Macro, 12 plus 12 bouteilles gratuites sur une sélection de vins au choix. Buvez avec modération. Le Black Friday à la Fnac, c'est d'abord le Black Jeudi. Profitez dès 17h d'offres exceptionnelles jusqu'à moins 50%. Fnac, libérez votre curiosité. Offre soumise à condition. Black Friday exceptionnel chez le Roi du Matelas. 50€ de remise immédiate par tranche de 100€ d'achat. Conditions en magasin et sur leroidumatelas.be. Le Roi du Matelas. Peugeot présente le Winter Drive. Attendre une promotion. Attendre qu'elle vous rappelle. Allô ? Attendre avant d'ouvrir. Waouh ! Attendre le bon moment. Une envie de Peugeot, ça n'attend pas. Pendant le Peugeot Winter Drive, profitez d'offres exclusives sur nos véhicules hyper équipés. Et du 20 au 26 novembre, durant le Black Friday, recevez jusqu'à 1 000€ d'avantages supplémentaires sur nos véhicules disponibles immédiatement. Alors n'attendez plus et rendez-vous vite sur Peugeot.be. Offre soumise à condition. Auto-5. Ah, ces routes glissantes, ces chemins enneigés. Et ces pneus qui ne sont décidément plus de saison. Pour traverser l'hiver en toute confiance, foncez chez Auto 5 et profitez des prix les plus bas. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse la différence. Prenez rendez-vous sur auto5.be. Qui dit auto, dit Auto 5. Conditions sur auto5.be. 6h18, dans un petit instant, un ping-pong star. C'est très simple, par exemple, je vais vous demander tous les David que vous connaissez. En 30 secondes, c'est ping-pong. Donc David Guetta, David Bowie, David Charvet. Et vous êtes à deux comme ça, et c'est celui qui arrive au bout de la clochette et qui n'a plus de David en stock, qui est éliminé. On joue à ça juste après Panic at the Disco et un pan sur les routes, Yannick, ce matin. Bah oui, c'est toujours compliqué avec les gilets jaunes du côté de Feluy, l'A7 est fermée à Arken. Route fermée également sur la N617 de Huy à Liège. On signale un poids lourd en panne. La voie de droite est bloquée sur la E411 de Namur à Luxembourg. Enfin, le trafic est perturbé entre Stockholm et Sterpenich. Vous perdez déjà une vingtaine de minutes. Let's go. 21 sur énergie, j'espère que tout va bien ce matin. Oula, je m'emballe, je mets PE. Non, calme-toi, PE, c'est demain. C'est demain. Et demain, 8h35. Oh, ah, ça va être chouette. Calvin Harris qui va arriver dans un petit instant. Mary G. Blige avec Family Affair. Ça va être tout bon. Ça va être dans quelques secondes. Avant ça, on se fait un ping-pong star, les fifous. Ouais. Avec, Tiffany. Oh, allez. Ouais, tu démarres face à Frisco. Il y a tellement d'amour entre vous. Compétition, 30 secondes. C'est 30 ou 20 secondes, je ne sais même plus, tiens. C'était 30. C'est 30. 30. 30. Ok, chef, d'accord. Meuf, c'est elle qui fait l'émission, attention. C'était 30, on t'a dit. Non, mais 30, comme ça, on a plus de temps, c'est bien. Le, c'est plus, ça a plus appelé le 6-9. Ouais, ça fait, je sais pas, un truc avec Tiffany dedans. Tiffany Show. Le Tiffany Show. 6h, 9h sur NRJ. On y va, Tiffany Frisco, 30 secondes. Ouais. Et vous allez me donner tout. Honneur à toi quand même, honneur aux femmes, même si... Oui, il a fait le geste en voyant ta tête. Mais non, mais je plaisante, tu joues. Allez, on y va, 30 secondes et vous me donnez tous les Thierry que vous connaissez. Thierry l'ermite. Thierry Hazard. Thierry... Thierry Ardisson. Ben quoi, à l'aise, hein. Vas-y. Thierry... Bah alors. Mon oncle Thierry. Je le connais. Non, j'ai reconnu, connu. Thierry. Enfin. Thierry. Acteur. Thierry. Acteur. Thierry l'ermite. Je viens de le dire. Ça a déjà été dit. Thierry... Ah pardon. Beau, t'as perdu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Thierry Ginola. Il y avait Thierry Neuville. David Ginola. Il y avait Thierry Neuville. Thierry Neuville, ouais, le champion de double versé. Ben ouais, je sais. Il ouais. Y en avait d'autres, des Thierry. Ouais, il y en avait plein d'autres. Vas-y. Thierry Roland. Ah ouais, Thierry Roland, ouais. Alors je connais pas. De quoi, Yannick? Thierry Henry, non? Thierry Henry. Ah, Titi. Bon, ça fait quoi de perdre? Bah, en plus, je commence à comprendre ton sentiment que tu vis depuis 2 mois. Ah, bah oui. Voilà. Jérém, venge ton pote. Jérém face à Tiffany. Et vous allez me donner en 30 secondes tous les marques que vous connaissez. Marc. Marc Herman. Marc Dutroux. Marc. Non, mais désolé. Marc. Marc. Marc. Mais enfin. Mais oui, Marc. Marc. Marc. Mais c'est pas possible. Marc Lavoine. Ah, quand même. Marc Zuckerberg. Marc. Marc. Marc. Allez, hein, mais non, Marc. Non, genre, ça va venir. Marc Ginola. Ouais, mais on vient de te dire que c'était David. Pardon. Ça fait quoi de perdre? Eh ben, le point va pour Jérém, hein. Voilà, tu viens de perdre. Et pas d'un 1, celui-là, il valait 2, donc c'est... Voilà. Allez, la petite finale, ça va être Frisco. Ouais. Avec Jérém. Ouais, allez. Ouais, ouais, petit combat de coq, on finit avec ça. Ça va. Vous allez me donner, les gars. Oh, ça va, il va être compliqué celui-là. Toutes les Sophies que vous connaissez, et on commence avec Jérém. Les Sophies. Sophie Marceau. Sophie Davant. Oh mince. c'est les deux. Je crois qu'après, il n'y en a plus beaucoup. Sophie. Sophie. Un jouet. Sophie, un jouet. Sophie Hochet. Sophie. Sophie. Sophie. Ouais, Sophie. Je suis sûr qu'il y en a, les auditeurs en ont plein. Hein. Bah oui. Hein. Des Sophies connues. Sophie. Sophie Favier. Oui, c'est ça. Mais oui, mais. Elle existe en plus, elle. Mais c'est pas Sophie Favier, c'est. Sophie la girafe, vieux. Sophie la girafe. Mais oui, Sophie. Bah, elle s'appelait Sophie la girafe, hein. Le truc fait poète-poète qu'on donne aux enfants. Mais c'est Sophie Favier. Oh, ah, c'est Sophie Favier. Non, non, c'est Flavie. Mais non, c'est Flavie. Non, c'est Flavie Flamand et Sophie Favier. Mais si non, c'est Flavie. Si c'est Sophie Favier, tu vas t'en vouloir. C'est Sophie Favier, mec. Oh non. J'ai hésité, je me suis dit non. Je me suis dit c'est Sylvie Favier ou Sylvie. J'écris aussi. Oh non, j'avais. Ah, ça c'est dommage. C'est vraiment dommage, j'ai gagné. Et ça, vous pouvez jouer aussi chez vous à ce jeu, c'est terrible. Même dans la voiture, on met un petit chronomètre, tac. Et allez hop, c'est parti, tiens, donne-moi toutes les Valérie que tu connais. Valérie Le Mercier. We got to get it wrong. Mary J is in the spot tonight, and I'ma make you feel alright. Come on, baby, just party with me. Let it loose and set your body free. Leave your situations at the door, so when you step inside, jump on the floor. Drama in our life. With a great track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you, leave your situations out the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. Énergie, 6h28. J'espère que toi bien ce matin. J'ai du Calvin Harris, Sam Smith pour vous. Et on va se faire les concons de la semaine dans un instant. Ah, les concons de la semaine, il y a de la pépite pour vous. Ah ouais, ça arrive juste après les infos. Ah, il y a du très lourd même. Black Friday. Les offres incroyables Black Friday, c'est aussi ce dimanche. Tous nos magasins sont ouverts. Creffel. Les meilleurs prix, service compris. 6h30 sur Énergie, les concons de la semaine, ça arrive dans un petit instant. Juste après Calvin Harris, Sam Smith, côté IT, là, un point sur la météo pour aujourd'hui. Ce matin, des nuages et du brouillard seront présents, des plaques de givre également sur quelques routes. Quelques éclaircies sont possibles uniquement en cours de journée. Il fera sec avec des maxima de 3 degrés en Haute-Fagne et 7 degrés ailleurs. On s'informe à 6h30, l'actu de ce jeudi 22 novembre avec Yannick Farkas. Bonjour Yannick. Bonjour Marco et bonjour à tous. C'est le moment de faire le plein aujourd'hui. Le prix maximum du diesel est légèrement en baisse. Il affiche désormais 1,577 euros le litre. Une bonne nouvelle pour les automobilistes qui n'a cependant aucun rapport avec les manifestations et blocages orchestrés par les Gilets jaunes. Dans ce contexte, la situation a de nouveau dégénéré hier soir avec les Gilets jaunes. Des manifestants ont une fois de plus bloqué l'autoroute A7 à hauteur de Feluy. Plusieurs centaines de casseurs ont tenté de foncer dans les barrages de police et les autopompes. Selon la RTBF, 300 casseurs ont jeté des cocktails Molotov et ont fracturé des camions bloqués dans le barrage. La Belgique a une nouvelle fois été avertie par la Commission européenne pour son projet de budget 2019. Elle figure parmi les États dont le budget entraîne un risque de manquement aux exigences de stabilité et de croissance pour l'an prochain. Trois autres pays sont visés par l'Union européenne, la France, le Portugal et la Slovénie. La compagnie aérienne Emirates va organiser deux journées de recrutement chez nous. Ça se passera à Bruxelles le 28 novembre et à Anvers le 17 décembre. La compagnie propose des postes de personnel navigant pour répondre à sa croissance. Aucune expérience n'est requise, mais la compagnie impose un certain nombre de critères comme l'âge minimum de 21 ans. En Italie, la célèbre tour de Pise s'est légèrement redressée. Après 17 années d'observation, la tour de Pise est stable et son inclinaison a très légèrement baissé. La tour avait été fermée au public pendant la durée des travaux qui ont coûté plus de 28 millions d'euros. Et enfin en basket, hier soir, les Belgian Cats se sont imposés 66-62 face à la République tchèque. Il s'agit du dernier match qualificatif pour l'Euro 2019. Cette victoire permet aux basketteuses belges de valider leur ticket pour le championnat d'Europe qui aura lieu en Serbie et en Estonie du 27 juin au 7 juillet 2019. Le 6-9 sur Énergie, j'écoute surtout le week-end. C'est là que c'est le mieux. Bah oui, ils sont pas là. Oui, mais ça pourrait bientôt changer, ça. Ah ah ! Qui sait ? Un samedi matin, un dimanche matin. Oui. 6h33, bonjour ! Bonjour ! Ouais, bah, l'équipe me regarde bizarrement. Je vous rassure, on sera pas là, nous. Hein, mais pourquoi pas du petit best-of ? Oh, oh bah dis donc ! On va soumettre l'idée. Voici Calvin Harris. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. 6h35 sur Énergie. Bonne matinée avec nous. On est parti. Voici les concours de la semaine. C'est jeudi, c'est tous les jeudis à 6h35. Les concours de la semaine. Ouais. Alors là, je peux vous dire qu'il y a de la pépite. On va parler de ça, ça reste un peu dans l'actualité, les gilets jaunes en ce moment, qui sont encore en train d'ailleurs d'être à Feloui, du côté de Feloui. Gilets jaunes qui comptent frapper encore ce week-end, hein, samedi à Paris, ils comptent être tous à Paris pour manifester. Oh là là. Ça va être chouette, moi qui vais à Paris ce week-end, je vais m'amuser. Ouais, 40 ans de ma reine, donc j'ai pas trop le choix. Ça va être chouette. Je mettrai mon gilet jaune, comme ça je leur dirai, hey, gars, je suis avec vous, laissez-moi passer. Dépêche-toi, vite. Je te jure, je vais leur faire à l'envers. Au barrage là-bas, mais ouais, je vais voir GG là, il est à l'autre barrage. Il m'a dit, viens en renfort, merde, tu vas bien que je renfort. Une fois que t'es passé, tu fais carotte. On va parler de pourquoi, parce que c'est assez énorme. Un mec a été furieux, parce qu'avec les barrages et tout, c'est vrai qu'il y en a qui pètent un peu les plombs, et je peux comprendre, franchement. Un gars a été furieux, par contre, ça je comprends pas, de pas pouvoir accéder au McDo. À cause d'un barrage de gilets jaunes. Ouais, il voulait absolument aller au McDo. Ouais, le gars, il avait faim. Il était bloqué depuis plus d'une heure et il en avait ras-le-bol parce qu'il voulait vraiment aller au McDo. Du coup, il s'est dit, les gars, je sors la tronçonneuse. Mais. Non. Je vais au McDo. Je vais pour Big Mac. C'est n'importe quoi. Oui, ça fait bizarre la tronçonneuse à 6h36. Ouais. Ça pique aux oreilles. Et donc, vraiment, il a sorti son tronçonneuse pour menacer. Je vous rassure, il était à 2 grammes. Hein, donc, voilà. Ceci explique cela. Le mec était un peu bourré. Je comprends pourquoi il voulait un McDo. ça retape. C'était pour tapisser tout ça. C'est ça. Il avait une fin de Frisco. Après la fin de loup, la fin de Frisco. Alors, on va rester dans les alcoolisés. Tiens, avec un mec qui était en cavale depuis 4 mois. Il s'en sortait très, très bien. Un peu, enfin, impossible de le retrouver. Et en fait, il a fini par se rendre après avoir trop bu. C'est sérieux. Un peu bourré, j'ai fait une connerie, je vais me rendre. C'est vrai? Non. Ouais, vraiment. Donc le gars, après bourré, il s'est dit non, là, faut que je me rende, faut que j'arrête de fuir. Alors qu'il s'en sortait très bien. En fait, il faut livrer de l'alcool au mec qui se barre de prison et tout, toi. Vous êtes où? On va vous envoyer de l'alcool. Enfin, voilà, assez énorme. On parle d'un autre gars, alors lui, je sais pas s'il était un peu pété, mais en tout cas, il était retraité, ça c'est sûr. Donc, à mon avis, il devait y un petit peu. 65 ans, il s'est tiré une balle dans le ventre. À votre avis, comment? Comment il a pu se retrouver avec une balle dans le ventre? Il s'est tiré une balle dans le ventre. Il nettoyait son calibre, enfin le calibre de son arme. On n'est pas loin en soi. C'est vrai? Non, en fait, tout simplement, il voulait achever un sanglier, mais avec la crosse, tu sais, avec un coup de crosse. Oh et, non! Et il a tiré. Ah, c'est un chasseur en fait. C'est un chasseur, oh ouais. Ah oui, là aussi. Dangereux, oui, oh là là. Avec un coup de crosse. Sanglier, tu vas pas le pêcher, hein, ça c'est sûr. Le bout, tu prends le truc dans le ventre avec non, la pression. Non, il a voulu frapper le sanglier, enfin l'achever avec la crosse. Enfin. Et à mon avis, il avait le doigt appuyé sur la gâchette et paf! Enfin! Bon sans ça, un GG. Hein. Ah ouais, lui, il est magique. Deux vite fait, tiens, à Marseille, il y a un jeune qui est venu passer son permis de conduire. À votre avis, comment il est venu? En pyjama? En voiture? En voiture. T'imagines le gars, il vient passer le permis, il arrive en bagnole, il fait un créneau tranquille. Hey, salut! Mais non, mais quand t'es en licence, tu peux, hein? Oui, mais à mon avis, à Marseille, en France, c'est pas le cas. Sinon, ça va pas être dans les news. T'as hein. le permis ou t'as pas le permis? T'es en conduite accompagnée, mais du coup, tu dois avoir un accompagnant, t'arrives pas tout seul. Permis. Parce qu'en Belgique, c'est ça le truc dingue, c'est que tu peux conduire tout seul et donc aller à ton permis tout seul. Vraiment? Bah oui, ouais, je pense. Oui, t'as la licence. T'as la licence, tu peux conduire. Mais la licence, t'es obligé d'avoir quelqu'un. Non, sans accompagnant. C'est génial ce pays. Aussi, avec un accompagnant. Ouais, non. Bah, voilà, on va y arriver, je pense. Soit. Dites-nous, renseignez-vous. Bref, on parle aussi d'une fille, je sais pas si vous avez vu très rapide la vidéo. Elle est là, elle court, elle est sur un ponton. Elle est très jolie d'ailleurs. Ah oui, fessier arrière, très sympathique. Elle court, elle saute pour se mettre dans le lac. Sauf que le lac est gelé, donc t'imagines le truc. Hop, bam, bam. Ah, et t'as vraiment mal pour elle quand tu regardes la vidéo. Ouais, en plus, elle continue à glisser, mais loin. Ah ouais. Et on finit avec ça. Bon petit déjeuner, évidemment. Pourquoi tu dis ça? Ça pue. Ça pue, ouais, vraiment, c'est pas très, très propre. Un mec qui a eu un accident de moto, un Américain, a décidé de cuisiner son pied. Oh, non, je te crois mais pas. C'est dégueulasse. Il mais a été amputé après accident et il était avec une dizaine d'amis, en compagnie d'une dizaine d'amis. Il s'est dit, les gars, ce soir, je vous cuisine mon pied, non, on va se le faire en tacos. Mais non, c'est une farce. Et je vous jure que non, ils ont bouffé le truc, donc c'est digne d'Hannibal Lecter, le truc. Hein. Ils ont mangé le pied, donc cuisiné, hein, pas comme ça, hein, faut pas imaginer le pied posé sur la table, hein, il a été cuisiné. Et apparemment, ça aurait le goût du bison. Voilà. Eh hey, mais les gars, le prix de la viande, c'est super cher en magasin. Moi j'ai un pied de stock. Super. Eh ben vas-y, donne-nous ton panari. Allez, on va manger du panari ce midi. Oh oui. Ah non, t'as des verrues en ce moment. On va manger ses moufettes à elle. Hein. Ouais, c'est ça. Ah oh bah c'est bien, tu manges une fondue en même temps. L'odeur. What you say, boy? You tryna play coy like a game boy? Hit my phone, boy. Is your homeboy? Are you a lone boy? Come give me dome, boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish. I hit my beer. Baby, I don't need you. I just wanna freak you. I heard you a freak too. What's 2 + 2? Mississippi boys, inner city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate, come and get a taste. From the playboys to the gay boys. Go and slay boys, you my fave boys. Baby, I don't need you. I don't need. I just wanna freak you. I wanna be. I heard you a freak too. That's right. What's 2 + 2? Après c'est vendredi, c'est le week-end. Ouais. Chouette. Et jeudi vendredi pour certains aussi, en profitez bien. LP qui va arriver côté dans un instant, il y aura Amir aussi pour vous. Et là on a 1500 euros de shopping à gagner. Ouais, sympa hein. Énergie, Black Friday, gagnez 1500 euros de shopping. Et d'ailleurs, tiens, c'est aujourd'hui, on est quel jour? On est jeudi? Ouais. Ah bah oui, comme le Black Friday c'est demain, on vous offre ça tout à l'heure. Tout à l'heure. Terrible, à 9h. À 9h, nous allons appeler le gagnant ou la gagnante de ces 1500 euros de shopping pour aller faire le Black Friday à City 2. Oh là là. C'est-à-dire demain, ça va aller vite. Hein. Vous avez City 2 pour vous, enfin pour vous, pour les autres aussi, hein. On va pas fermer tout pour vous. Je vous dis. Ouais, mais vous allez avoir voilà, City 2 avec 1500 euros en poche pour dépenser dans ce que vous voulez. On vous les offre ce matin et ça va tomber à 9h, donc si vous voulez vous inscrire, c'est now. Maintenant, vous envoyez City, C-I-T-Y, par SMS au 78. C'est 1 € le message envoyé et reçu. City au 6018. Et tout à l'heure, Tiffany, vous passez un petit coup de bigophone. Allô ? GG ? C'est toi ? Mais 500 euros ! Vous inscrivez maintenant City au 78. Bonne chance, on se met LP. Et on revient juste après avec un nouveau jeu. C'est le plus ou moins. Oh, ça a l'air compliqué quand je vous le dis comme ça, hein. Ouais. C'est comme le juste prix. Ça va, en gros, il va falloir trouver un chiffre et plus. Non, moins. Plus. Ah, j'aime bien. Moins. Ça arrive dans un instant, ça va être très sympa, vous allez voir. C'est le 6-9. Toutes vos stars préférées passent par les studios d'énergie à Bruxelles. Mosiman. Salut à tous, c'est Mosiman. Rendez-vous ce jeudi entre 16h et 18h. Je vais prendre le contrôle d'Énergie. C'est moi qui vais jouer vos hits préférés dans votre playlist Énergie, juste avant de filer pour l'ancienne Belgique. Énergie. Énergie. La radio qui vous connecte à vos stars musicales préférées. Eh, hey, nouveau smartphone ? Ouais mec, histoire de fou. Je suis rentré dans le magasin là et j'ai dit « Bonjour, je vous donne 10 euros pour ce smartphone de dingue. » Et le mec me regarde et il me dit « Ok. » Mais non. Je te jure. Alors je lui donne mon billet de 10. Et alors ? Il m'a donné le smartphone. Et ça aussi. Ah, c'est quoi ? C'est 1 euro. En ce moment, avec les abonnements mobiles de Proximus, vous recevez un super smartphone à partir de 9 euros. À vous de choisir. Infos et conditions sur proximus.be.

I'm in recovery. Pleure pas, ça va aller, ma biche. Amir dans un petit instant sur Énergie. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne. Amir qui revient avec un nouvel album. On écoute longtemps dans un instant. Je sais que beaucoup vous l'aimez cette chanson. Et ben, on va vous faire plaisir. On va vous faire plaisir. On l'écoute dans quelques minutes. 6h51, 34 secondes. On est précis ici. On est l'horloge parlante, les gars. On va jouer avec un nouveau jeu. C'est le plus ou moins. Très sympa ce jeu. Qui va venir jouer avec nous aujourd'hui? C'est Naomi qui travaille à la police. Elle a deux enfants qui s'appellent Tessa et William. En ce moment, elle regarde la série Bodyguard sur Netflix. Et puis, elle aime beaucoup aussi la série The Good Doctor, comme toi, Marco. Ah ouais. Et sa musique du moment, c'est Chasing Cars de Snow Patrol. Oh, ouais. J'adore! Qu'on a entendu aussi dans Grey's Anatomy. Ah ouais, bonjour Naomi! Bonjour les petits pots! Bonjour! Coucou. Comment ça va Naomi ce matin? Ah, ben ça va super! Ben voilà. Écoute, si toi tu vas super, nous on va super. Ben oui, sois la bienvenue. Chasing Cars, mais ouais, j'adore ça de Snow Patrol. Terrible. Très, très, très sympa. Tiens, je te fais plaisir, Naomi. Je nous fais plaisir en même temps. If I like you. J'adore. Ah ouais, magnifique chanson. Je sais pas si vous lui faites plaisir avec la voix de Frisco là. Oui, bon, au cas où c'est lui qui a chanté à la base. C'est vrai, pardon. Naomi, sois la bienvenue ce matin. Nous allons faire un nouveau jeu ensemble. Ça s'appelle le plus ou moins. En gros, je vais te demander des réponses chiffrées. Et tu auras 15 secondes à chaque fois. Il y a 3 questions. 15 secondes pour essayer d'avoir la bonne réponse. D'accord? Et donc, tu te proposes des chiffres et je te dirai c'est plus ou c'est moins. Et forcément, si je te dis que c'est plus, faut dire que c'est plus. Hein. C'est pas, hein, voilà. Si tu dis 5 ans, je te dis c'est plus, tu me dis 49, t'as pas compris le jeu. Tout simplement. Et il y a 3 questions, voilà. Allez, franchement, c'est un nouveau jeu. 1 sur 3, ça sera déjà pas mal. 2 sur 3, ça sera excellent. Je le dis, voilà. 2 sur 3, tu seras au top. Mais t'auras le même cadeau. C'est vrai, t'auras le même cadeau. Naomi, on est parti. Voici la première question. Et j'enclenche le chrono direct après et tu fais des propositions. En quelle année est né notre François Lambrouille, François Damiens, l'acteur qu'on voit dans D-Connect notamment. Ouais. Comment il s'appelle en fait, c'est François Lambrouille. François Damiens. Hein, François Damiens. Oui, non, mais je veux dire, François Lambrouille, hein, c'est ça. Oui. François Lambrouille, François Damiens, né en quelle année, Naomi? C'est parti, 15 secondes. En 75. C'est moins. 74. C'est moins. 73. Mais évidemment, mais bien sûr. Mais ouais, oh et dis donc, incroyable. En 3 coups, quoi. En 3 coups. Bah, à chaque fois. Mais bah, toi aussi, c'est souvent en 3 coups. Hein. Oh, oui. Très, très bien, Naomi. Oh là là là là. Et tu sais quoi, ouais, 5 euros. Non, mais je m'auto-flagelle. Hein. Ouais. Naomi, ça fait un point, c'est très bien, ça. Ouais, 1973, François Damiens. Bien vu, bien vu. Attention, ça se complique un peu. Ce chiffre est hallucinant, en plus. Combien de ministres avons-nous en Belgique? Propose. Ouais. C'est plus. 50. C'est un plus. 60. C'est moins. 50. 50 combien? 55. Mais c'est extraordinaire. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, c'est 55 ministres. 55 ministres, vieux. Ouais. Et qui servent à rien, la moitié, mais bon, c'est pas grave, hein, voilà. Je suis désolé, mais c'est la vérité, hein. Eh ben, tu sais quoi, c'est déjà gagné, Naomi, mais on se fait quand même le petit dernier pour le plaisir. On se le fait, on se fait plaisir. Je vais pas vous le donner à vous, les fifous, parce que forcément, vous pouvez le trouver sur Google, c'est trop facile. Ah oui. Et puis, on sait pas vous dire plus ou moins si vous envoyez un SMS. C'est pas faux. Naomi. T'imagines le gars, il joue avec les gens qui arrivent par SMS. Qui finit par 42, c'est plus. Qui finit par 38, c'est moins. Le 12, c'est pas mal le 12, mais c'est un peu plus. T'es bien dingue, tu vois. Naomi, le petit dernier. Combien de pays ont la langue espagnole comme langue officielle? 7. Plus. 10. Plus. 15. C'est plus. 20. C'est plus. 25. C'est moins. 23. Ouais, ouais, oh. On n'est pas arrivé sur celui-là. C'était 21 pays qui parlent la langue espagnole. C'est fou, hein. Incroyable. Langue officielle espagnole. Langue officielle, ouais. Incroyable. Il y a l'Amérique du Sud, hein, c'est pour ça. Hein. Ouais, c'est vrai. En même temps, il n'y a que l'Amérique du Sud et l'Espagne. Et l'Espagne. Bah non, hein. Mais si. Mais t'es fou, quoi. À Tokyo, mec, on parle espagnol, hein.

Normal, vous avez pris l'assistance dépannage Touring Belgium Go à partir de 5 euros par mois, soit 60 euros par an. Vous pourrez arriver à temps chez Belle Maman. Touring, partez en toute tranquillité grâce à l'expertise de nos patrouilleurs depuis 70 ans. Info sur touring.be. C'est en une, bienvenue. Bonjour. Énergie. Chez Léonidas, on trouve des Saint-Nicolas au chocolat. Chocolat 100% pur beurre de cacao, sans huile de palme, et déjà à partir d'un euro 60. Léonidas, la boîte à bonheur. 7h01 sur Énergie, on fait un point sur l'actu. Dans un petit instant, Z qui va arriver côté hit. Et là, c'est la météo pour aujourd'hui. Eh bien, ce matin, des nuages et du brouillard qui sont bien présents. Des plaques de givre également sur quelques routes. Quelques éclaircies sont possibles uniquement en cours de journée. Il fera sec avec des maxima de 3 degrés en Haute-Fagne et 7 degrés ailleurs. On s'informe, l'actu de ce jeudi 22 novembre avec Yannick Farkas. Salut Yannick. Salut Marco, salut à tous. Médecins du Monde lance aujourd'hui son plan hiver médical. Les équipes de l'organisation se rendront plusieurs soirs par semaine dans les centres d'accueil. Le but sera de prodiguer des soins médicaux aux sans-abri qui n'y ont pas accès. Le plan hiver médical de Médecins du Monde représente la mobilisation de 17 médecins et 38 accueillants bénévoles selon l'ONG. L'an dernier, ils avaient aidé plus de 2000 sans-abri. La situation a de nouveau dégénéré hier soir avec les gilets jaunes. Des manifestants ont une fois de plus bloqué l'autoroute A7 à hauteur de Feluy. Plusieurs centaines de casseurs ont tenté de foncer dans les barrages de police. Selon la RTVF, 300 casseurs ont jeté des cocktails Molotov et ont fracturé des camions bloqués dans le barrage. Ryanair compte normaliser ses relations avec les syndicats d'ici le mois de mars. La compagnie aérienne compte passer des accords sociaux en place dans la plupart des pays d'Europe. Voilà ce qui a assuré un haut responsable de la compagnie aérienne. Ryanair a déjà ouvert des négociations avec les syndicats qu'elle avait alors jusqu'à présent ignorées. Le gouvernement wallon doit examiner les différentes possibilités de reprise du groupe L'Avenir. C'est le Parlement régional qui en a formulé clairement la demande hier soir. Un quart du personnel du groupe de presse est menacé par un plan de réorganisation. La ministre de tutelle, Valérie Debuts, avait annoncé l'ouverture d'une instruction au sein de son administration. Une enquête qui pourrait déboucher sur une annulation de la décision de la direction du groupe L'Avenir. Enfin, en basket, hier soir, les Belgian Cats se sont imposés 66-62 face à la République tchèque. Il s'agit du dernier match qualificatif pour l'Euro 2019. Cette victoire permet aux basketteuses belges de valider leur ticket pour le championnat d'Europe. Il aura lieu en Serbie et en Estonie du 27 juin au 7 juillet 2019. Il est 7h04 sur Énergie, bienvenue, c'est jeudi, bonjour! Bonjour! Ah, ça fait du bien ça. Est-ce qu'on va se dire, please don't stop the rain, arrête de pleuvoir. Non, ça veut dire, n'arrête pas la pluie. Non, ah, arrête, stop the rain quand même. 7h04 sur Énergie, bon réveil avec nous, bonne matinée, c'est jeudi. Ah, le jeudi, qu'est-ce que c'est chouette. C'est très chouette. Ah ouais, parce j'aime qu'on beaucoup. Est plus proche du vendredi. Ouais, et puis il y a les 7 questions de la mort qui tue qui arrivent aussi. Ouais. J'aime bien ce jeu. Rappelez-vous, on vous pose 7 questions, il faut retenir les 7 réponses et après on vous demande les réponses de les redonner dans l'ordre. Ah, j'adore. Et vous pouvez jouer vous aussi chez vous, c'est ça qui est génial. On fera ça tout à l'heure. On va faire le tempo game aussi là, juste après. Ah, ça j'aime bien. Ça j'aime bien surtout quand c'est Jérém qui s'y colle. Pourquoi? Parce que t'as le rythme. Parce qu'il faut garder le rythme. C'est vrai, j'ai le rythme dans la peau. Et ouais, c'est pas ton truc. Vous allez le voir. En gros, on met une musique, d'un seul coup, hop, on la baisse, on la remonte et faut être synchro. Vous allez voir, c'est génial. C'est juste après Z. So won't you tell me, babe, are you happy now? You're the only one who can up and run, leave me just as empty as the day you came. You hold all the cards, all the broken hearts, strung over your shoulder till it's all in vain. And only you know the strength in your teeth, washing the weight of your pockets so deep. Be now. 7h07 sur Énergie, Jason Derulo. Bon début de journée avec nous. On va dans un instant écoutez Louane aussi et vous filez surtout du beau cadeau puisqu'on a 1 500 € de shopping. Ouais, pour dépenser ça demain à l'occasion du Black Friday et ça va tomber aujourd'hui en plus ça. Donc ça c'est cool pour vous, je vous explique tout dans un petit instant. Avant ça, nouveau jeu avec en plus maintenant des nouvelles règles. Ah ah ! Dis-moi. Tempo Game, je donne une nouvelle règle. C'est donc, quoi ? Donc déjà le Tempo Game, je rappelle le concept très simple, on met une chanson, d'un on seul coupe. Coup on coupe. Il faut continuer de chanter pour garder le rythme. C'est pas ouais. un karaoké, on s'en fout. Ouais, ouais. C'est juste garder le rythme. On remonte la chanson et là, il faut être super synchro avec le rythme. Ouais, okay. Sinon, c'est perdu. Okay. Nouvelle règle. Avant, on choisissait le titre, plus ou moins. Et bien, cette fois-ci, nous allons scrolling. Allez, coup. Scrolling. Scrolling, c'est vas-y. Quoi c'est je vais dans le répertoire, je scroll, tu me dis stop et puis. Okay. Donc, au hasard. Ça peut être en espagnol, en anglais alors. Exactement. La chanson. C'est exactement. Ah, allez, vas-y. Si tu tombes sur ça et Gangnam Style, bon courage. Allez, Frisco, tu démarres. Vas-y, ouais. Scroll. Stop. Eh bien, nous allons faire Z. On vient d'écouter ou quoi? Z à Pinard. Bah attends, on vient d'écouter. Ouais, re-scroll vite. Je prends le titre. Non, je prends le titre juste en dessous. C'est quoi? Vita Slimane, je te le donne. Oh, ça va. Ça va, c'est sympa. La chance a fait ton. La chance a fait mon bonheur. Oui. Ça veut rien dire. C'est pas vraiment ça que je voulais dire, mais. C'est parti, Frisco. Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire. Quand t'es pas là, je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi, je ne sais pas faire quand t'es pas là. Il change même de voix et tout. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux quand t'es pas là. Mais oui, je ne sais pas quand t'es pas là. Tu le donnes, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui gonne. Si tu le veux, prends, je te le donne. Mais bravo, ouais, ouais, ouais, ouais. Sur deux pour Frisco, pas mal, pas mal. Moi j'enlève un point parce qu'il sait pas lire. Hein. Mais j'étais déconcentré et tout. Allez Tiffany, oui. À toi, tiens, donne-moi. Enfin non, je scroll, tu me dis stop quand tu veux. Ah oui, toi direct. Alors, qu'est-ce qu'on a de bien Kenji Girac pour oublier. Ah ouais, quelle chance. Oh, t'as de la chance, ouais, j'avoue. Hein. Franchement, je sais pas pourquoi, mais toi, ça va être ça va être une pépite. Enfant des villes ou enfant des foins. On se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot. C'est pas qu'on est con, non. C'est qu'on est trop. Elle a explosé de joie. Pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera. Comme dirait Georges, ça va de soi. Allez, Tiff. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier, tu vois. Hey, hey. On ira faire la fête, allez, allez. On ira faire les rois, allez, allez, allez. Pour se vider la tête, pour oublier. Hey. Hey. Hey. Bravo, franchement, bravo. Deux points pour Tiffany. Elle a le tempo. Et le petit. Ouais. Ah bah, j'étais quand pas je ça. L'entends dans ma voiture à chaque fois cette musique-là, je fais les gestes et tu fais. Ah bah c'est rassurant, tu dois bien conduire, dis-moi. C'est ça. Elle lâche le volant, elle applaudit, c'est un virage, c'est pas grave. C'est le moment de la chanson que j'adore. Elle se maquille, elle tape dans les mains pendant les chansons. La meuf, elle a jamais les mains sur le volant. Oh putain, je comprends qu'ils t'ont pas donné tout de suite le permis. Non, ah, j'aurais pas voulu être l'examinateur. Oh, yo, yo, yo, yo, yo, je comprends yo. Pourquoi on lui a dit pas sur l'autoroute, mademoiselle. Excellent. Bon, attention, on finit avec la crème de la crème. Oh, mais pourquoi c'est toujours moi en dernier? Allez, il s'appelle Jérém, il a le rythme dans la peau. Ou pas? Ou pas. Allez, je scroll. Stop. Quoi? Allez, avec Jérém, ça va être magique. Oh, MHD, Champions League. MHD, Champions League. Ouais. Il va jamais y arriver. Ah. La moulette, Van Panam. Un coup sable comme Verratti. Tu comprends pas. Après, la tête de Jérémie. On peut recommencer au début. On m'a donné la support. Plus l'échec. Vraiment. Ouais, je recommence au début parce que j'avais pas les paroles devant moi. Attends. Oh là là. Ça, celui-là. Je comprends rien. Ça va être magique, je vous le dis. La moula vient de Paname, c'est ouais, là. Ouais, ouais, ouais. T'es prêt? Là maintenant. Ah. Bien Paname, intouchable comme Verratti ou Mota. Je suis sur le blanc de touche. Afro-trap a marqué donc Sakuma. Gros, file mon chèque. On m'a donné le seul force, je connais plus l'échec. Je connais plus l'échec, toujours titulaire comme Keita Tchèk. Les négros, on redemande. Ça coûte fini. Y'a de la peu frais sur commande. Tu me parles sur les réseaux, tu m'as. Mais, tu mes clips. Ouais non c'est impossible. Je comprends même pas ce que je lis. Attends non mais on peut pas rester sur ça parce que non mais c'est vrai là c'est le truc. Comment veux-tu qu'il s'en sorte? Déjà le gars il a pas de rythme. Déjà sur une chanson douce d'Henri Salvador, oh là, la plus calme il arrive pas. Allez t'as de la chance, c'est du français juste en face, c'est du français aussi en soi, tu me diras. C'est oui c'est vrai. Vianney, ouais. je m'en vais. Ok. Voilà ça va, c'est plus facile. Je m'en vais là-dessus. Ouais. Contre des donc le concept est simple, garder le rythme. Et on a Jérém. Un sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine, plus que la laine. Oh ma route, oh ma plaine, Dieu que je l'aime. Oh t'es tout prêt, hein ouais. Pas mal, ouais. Pour une fois. Alors qu'on avait déjà entendu que c'était mal barré. Tourner dans ma tête. Les images du long métrage. Oh là là. Tu es belle et moi ma bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer. Au diable toi et tes apôtres. Je m'en vais. Ah ouais, c'est dans le rythme. Mais tu manques les E. Ah oui, je vais essayer, il rajoute des E partout lui. Genre Tiffany va te faire des cours de rythme maintenant. Oh là là là là. Bravo non, les gars, bravo. Eh ben c'est une victoire, je tiens à le dire, de Frisco et de Tiffany. Les non, deux. Tiffany elle a raté. Hein, ouais, mais non, mais quand même. Mais non, arrête, c'est bon. Suffit, on met des hommes des rouleaux.

Carglass remplace. Il gèle. Carglass évite que l'éclat dans votre pare-brise ne se transforme en fissure. Si vous venez rapidement, une réparation est parfaitement possible. Et c'est 5 fois moins cher qu'un nouveau pare-brise. Vous pouvez toujours compter sur Carglass. Prenez rendez-vous sur carglass.be. Julien Doré, on va écouter ça dans un petit instant. Ça va être génialissime. Je vais vous proposer dans quelques minutes des titres et vous allez me dire si c'est l'original ou si c'est une reprise. Genre M. Pokora cette année-là. Original ou reprise ? Reprise évidemment puisque c'était Claude François. Facile, on fait ça dans un petit instant. Avant ça, un point sur les routes, Yannick. Le trafic est toujours perturbé entre Boisden et Migneux. Vous perdez 25 minutes, on signale toujours cet objet encombrant sur la E42 à Eussy. Le trafic est perturbé entre La Louvière et Famille Heureux, vous perdez 20 minutes. Un accident également sur le ring intérieur de Bruxelles hauteur d'Anderlecht, la voie de gauche est bloquée. On signale un poids lourd en panne. La voie de droite est bloquée sur la E411 de Namur à Luxembourg à hauteur de Verlaine. Et enfin, c'est toujours compliqué entre Stockheim et Sterpenich, vous perdez 40 minutes. Il est midi sur novembre et le soleil peut attendre que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Je me fous de ce que tu penses, moi je parle à l'évidence. Nous ne passerons pas l'hiver cette fois. Il est midi sur novembre, je t'ai perdu dans la chambre, labyrinthe en désert, crois-moi. J'ai déposé des cendres dans le cendrier des anges. J'irai revoir la mer sans toi. We'll be fine. Et Dieu sait que je tremble. Tu dois te réveiller sans moi. Il est midi sur novembre. Nous ne partirons pas ensemble. Mon cœur a décidé pour toi. We'll be fine. Et le soleil peut te prendre, que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Il est midi sur novembre, nous ne partirons pas ensemble. Ton cœur a décidé pour moi. Sur Énergie, pardon, chez nous on parle de Red Dead Redemption, le jeu qui cartonne, qu'on a offert à Frisco d'ailleurs pour son anniversaire. Ouais. J'ai tué mon poney hier, c'est pour ça on en parlait. Voilà, c'est un jeu vidéo, hein. C'est un jeu vidéo, oui, oui, tout à fait. Oui, j'ai si tu dis j'ai tué mon poney hier. Pour de faux, mais quand même, je suis très déçu. Genre, ça m'a fait de la peine. Dua Lipa qui va arriver dans un petit instant, j'adore ce titre New Rules, c'est ce qu'on va écouter. Et là, je vous propose un petit jeu entre nous. Vous pouvez jouer aussi avec nous chez vous, les Fifou. Est-ce que c'est une reprise ou est-ce que c'est l'original? Tout simplement. De musique ? De musique. Ah, ok. Tu vois, donc par exemple, M. Pokora à nos actes manqués. Reprise ou originale ? Reprise. Reprise de ? De Jean-Jacques Goldman. Évidemment, on est bien d'accord. On va faire en même temps, le trois quarts des chansons de M. Pokora, c'est des reprises. Hein. Attention, il revient avec un nouvel album. Hein. Peut-être que ça sera plus le cas. La Pyramide Tour. Attention. Ouais, super... Allez sur énergie.be à toutes les infos. C'est un super héros d'ailleurs dans ce spot. Hein. C'est incroyable. Ouais. Si je vous dis Diams. Laisse-moi kiffer. Laisse-moi kiffer la vice avec mon mec. Ça, c'est original. Je me demande s'il n'y a pas la reprise d'un thème ou quoi. Tu vois, de l'instru. C'est une reprise. C'est ça, hein. C'est une reprise de Dean Martin, Sway. Ouais, c'est l'instru, c'est en fait. C'est dingue. Alors du coup, je vous assure, ça me donne envie d'écouter Sway de Dean Martin. Est-ce qu'on l'a là? On l'a là. Alors là, je suis épaté par la radio. Là, je vous le dis tout de suite. Marimba rhythm start to play. Ah oui! Laisse-moi kiffer la vache avec mon mec. Laisse-moi kiffer. Incroyable. Arrête. Laisse-moi kiffer la vache avec mon mec. Non. Incroyable. C'est incroyable. Et donc, je mets que j'ai un point. Allez, ça te fait plaisir. Si je vous dis J'attends l'amour de Jennifer. J'attends l'amour. Non, je pense que ça, c'est une originale. Originale ou reprise? J'aime bien cette chanson. Eh bien, c'est une reprise également. Non. Johanna Demke. Alors, je vais checker en même temps. Je vous avoue, on aurait pu faire ça hier. Oui, c'est ça. On a vraiment bien préparé notre émission. C'est Johanna Demke qui avait fait ça. Et je suppose que c'est ce titre-là. Donc, c'est une reprise, Jennifer, J'attends l'amour. Ah ben oui. J'attends l'amour. Ah, ça, pas, du tout. Pas du tout. On écoute quand même. Johanna Demke, je connaissais pas. On va dire que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai, hein, ce qu'on dit. C'est vrai. Alors attention, Je l'aime à mourir de Shakira. Francis Cabrel au fond du jardin. Francis Cabrel. Attends, là, dis donc. En apesanteur de Chaim. Reprise. De qui? Calogero. Mais non. Quoi? Bah non, pas du tout. Mais, si, hein. Mais non, si, Beethoven si. Qui avait écrit Non, je déconne. C'est même pas parce que Tiffany a déjà fait des têtes encore magnifiques pour ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si je vous dis Michael Miro, Dame Dame Deo, reprise ou originale? Original. Ouais, c'est l'original. Ouais. Eh ben ouais, c'est lui qui l'a écrit, c'est pas une reprise. Bah, par contre, ça a pas été repris par un DJ? Par Akin qui est Michael Miro en fait. Et qui, ouais, c'est lui qui chante. En fait, il a repris une reprise de sa propre chanson, un peu comme même Pokora. 15 ans après. Ouais, c'est ça. On revient. Alors, on fera ça, c'est pas mal, j'en ai encore plein des pépites, j'en garde. Dua Lipa. Myself. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Et une sur énergie. Un retard, les gars. Celui-là, il est beau. On l'avait pas vu. Ah là, celui-là, je peux vous dire. Ah là, celui-là, on l'a pas vu venir. On arrive tout de suite pour les infos. Désolé. Yeah. Todos están pendientes a ti. Pero tú puesta pa' mí. Haciendo que me odien más. Porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía. Mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma a mi respirar. Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan viral. Tus ojos me concentran como Adderall. Contigo me sube el overall. Te toco y hasta el mundo deja de ir. Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar. Dile que tú eres mía. Commandez vos offres Black Friday sur Krefel.be et faites-vous livrer à domicile deux heures après. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Et ne te panique, hein, il est 7h33, tout va bien, c'est nous qui sommes en retard, je vous le dis, pas de panique, tout va bien. Dino qui va arriver dans un instant avant la météo. Ce matin, des nuages et du brouillard sur tout le pays, des plaques de givre également sur quelques routes, quelques éclairs si possible uniquement en cours de journée. Il fera sec avec des maxima de 3 degrés en Haute-Fagne et 7 degrés dans le centre du pays. 7h33, c'est bizarre de dire ça. Voici l'actu de ce jeudi 22 novembre, c'était avec Yannick Farkas. Bonjour Yannick. Bonjour Marco et bonjour à tous. Un caméraman de la RTBF a été visé hier soir par les manifestants en gilets jaunes qui bloquaient l'autoroute A7. C'était à hauteur de Feluy. Un dispositif d'urgence avait été déclenché dans la soirée. Le caméraman a été pris à partie par des casseurs et la voiture de son média a été caillassée. Les policiers ont dû utiliser l'autopompe envers les manifestants agressifs. Plusieurs centaines de casseurs ont tenté de forcer les barrages de police et les autopompes. Carrefour a décidé de rappeler un de ses produits. L'AFSCA a constaté la présence de listeria dans les boulettes liégeoises. L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire demande également aux consommateurs de ne pas consommer évidemment ces boulettes et de les ramener dans leur point de vente où il sera échangé. Pour toute information complémentaire à ce sujet, vous pouvez toujours appeler le 04 248 51 22. Médecins du Monde lance aujourd'hui son plan hiver médical. Les équipes de l'organisation se rendront plusieurs soirs par semaine dans les centres d'accueil. Le but sera de prodiguer des soins médicaux sans abri qui n'y ont pas accès. Le plan hiver médical de Médecins du Monde représente la mobilisation de 17 médecins et 38 accueillants bénévoles. Selon l'ONG, l'an dernier, ils avaient aidé plus de 1000 sans-abri. Le géant du commerce en ligne Amazon a révélé qu'un bug informatique avait accidentellement divulgué les noms et les adresses e-mail de certains de ses clients. L'entreprise a assuré qu'il n'y avait pas eu de violation du système. Par précaution, des messages ont toutefois été envoyés aux clients concernés. Et enfin, en Allemagne, une info assez insolite, un jeune Allemand a réussi l'exploit de se faire retirer son permis de conduire 49 minutes après l'avoir obtenu. Ce jeune de 18 ans s'est fait arrêter avec 4 amis à bord de son véhicule. Il roulait à 95 km/h au lieu de 50. En plus du retrait du permis, il va devoir payer une lourde amende. L'info énergie. Ah, c'est un champion du monde, tu vois. 7h35, l'info énergie. On parle de quoi ce matin, Yannick? Eh bien, on part aux États-Unis. Un couple en Louisiane a fait un peu de ménage chez eux et en plein préparatif de la fête de Thanksgiving. Ce couple, en faisant le ménage, a découvert un billet de loterie gagnant. Et là, c'est le jackpot. À votre avis, combien ils ont gagné? Non. 50 millions? Non, 166 millions. Non, c'est on est entre les deux. 1,8 million de dollars de gains pour ce couple. C'est l'un des plus gros gains possibles. De quoi justement bien fêter Thanksgiving, du coup. Attends, 1,8 combien? 8 millions de dollars, ouais, c'est ça, c'est pas en euros. Ouais, 1,8 million de dollars, ben ouais. Moi je les veux bien. Ouais, je sais pas ce que vous feriez avec cette somme-là. Oh, mais... t'inquiète, on trouvera. Black Friday demain. Hein. Oh, bah je te fais Black Friday, Black Saturday, Black Sunday, Black Monday. Black November. Hein. C'est ça, Black November, sans problème. Si tu veux être de bonne humeur le matin, soit tu twerks. Soit t'écoutes le 6-9 sur Énergie, ou bien fais les deux. Enfin. Quand j'y repense quand même, qu'est-ce qu'on n'a pas fait enregistrer à cette mamie, quoi. Ouais. Soit tu twerks. Soit tu écoutes le 6-9. C'est quoi le twerk? Non, t'inquiète, c'est un plat en Provence. C'est un poulet rôti. On va te montrer, mamie. 7h37, bonjour. Bonjour. Et cette question de la mort qui tue après, Dino. Dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. Sur Énergie, c'est jeudi avec Dean Lewis qui va arriver pour bien démarrer la journée avec vous. Ouais. Et nous allons jouer aux 7 questions de la mort qui tue avec Bruno ce matin. Ah oui, Bruno qui j'avais une chanson, mais si Bruno, une chanson de Diams, je pense, mais bref, je ne l'ai plus. Bruno qui travaille comme chauffeur livreur chez DHL dans la province de Liège. Il a un petit bout de 3 mois qui s'appelle Maël. Il joue au basket depuis qu'il a 4 ans. Il aime le foot, hein, fan du Standard de Liège. Ouais. Chaque année, il participe au 71 dans le public et puis en ce moment, il regarde la série SWAT. Et puis il est archi fan de Soprano. Hein. Sa préférée, c'est Je roule. Et c'est pas un jeu de mots, hein, puisqu'il est chauffeur livreur. Je roule. Chauffeur livreur. Mais oui, blague de Tiffany. Tu sais qu'il y a des gens, ils attendent tes présentations. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Bruno, bonjour. Bonjour. Bonjour. Excuse-la. Bonjour. Hein. Ouais. Comment ça va, Bruno, ce matin? Bah, ça va, un peu froid, mais ça va. Ah oui, ça caille. Oh là là là, là. L'hiver arrive. Merci, bonjour. Au revoir surtout. Merci, bonjour. Au revoir. Merci, bonjour. Hein. Bruno, sois le bienvenu. Nous allons jouer aux 7 questions de la mort qui tue. Je rappelle le concept à tous ceux qui veulent jouer avec nous ce matin. Je vais poser 7 questions. Mais il faut retenir les réponses. Faut pas les donner tout de suite. Tu retiens les réponses et à la fin, il faudra donner les 7 réponses dans l'ordre. Évidemment, il ne faudra pas sauter une question. Quoi. Les 7 réponses dans l'ordre. Et Bruno, ce matin, tu as le choix, puisque tu peux choisir quelqu'un de l'équipe qui va jouer pour toi. Hein, sinon, c'est trop facile. Tu écris tout sur un bout de papier, puis après, tu nous lis le papier. Puis, ah, on ne nous la fait pas, nous. Il y a Tiffany au standard, il y a Jérém, il y a Frisco. Tu as envie de jouer avec qui ce matin? À force d'écouter, je pense que Tiffany est plus forte. Tiffany est pas mal, c'est vrai. Elle a un bon niveau, je peux pas dire le contraire. C'est vrai que la dernière fois, elle avait gagné. Ouais, elle avait gagné. Ah ouais, allez. Nous allons voir si c'est encore le cas aujourd'hui. Voici les 7 questions de la mort qui tue. Vrai ou faux, Richard Berry est la sœur de Chuck Berry. Ah, ou le frère. Fais-moi le cri d'un bébé qui pleure très très très très très très très en colère. Cite un réseau social qui finit par book et qui commence par face. Instagram. Combien de tours font les petites marionnettes? Combien de tours font les petites marionnettes? De quelle ville proviennent les Liégeois? Comment s'appellerait l'émission qui veut gagner des millions si on remplace le mot million par trombone? Et enfin, donne-moi les lettres de la radio où on est, mais dans le désordre. Ok. Ok. Ok. Allez, on y va. Voilà. Faux.

la plus fraîche, moi. Mais qui est la plus bonne, bonne, bonne de mes copines? Oh, mes copines, oh, mes copines. Mais qui est la plus bonne, bonne, bonne de mes copines? Oh, mes copines, oh, mes copines. Je veux te bombarder, bom, bom, bombarder. Tu veux te bombarder, bom, bom, bombarder. Tu veux la plus bonne, moi, la plus bonne. Tu veux la plus fraîche, moi. Tu veux la plus bonne, moi. Bah ouais, qui t'a choisi? Tu veux la plus fraîche, moi. La plus fraîche, hein. Ouais, plus bonne, ouais. Et la plus fraîche, ouais. Dans un petit instant, Happy Hour Marche Mélo qui va arriver sur Énergie. Bonne matinée tout le monde, avec nous c'est le 6-9. On est là et dans quelques minutes, ça va être le duel Énergie à 8h05 qui revient. Ça c'est tout bon. Ouais. Avant ça, je voudrais vous parler de cette société néerlandaise, une entreprise qui a eu des problèmes financiers et qui du coup a dû se séparer de 5 de ses 45 employés. Sauf que la méthode pour s'en séparer est scandaleuse, vraiment. Ils ont en fait appelé tous les employés, à l'ensemble du personnel, à se réunir. Ils ont donné des post-it à tout le monde. Ouais. Et ils ont dit, vous écrivez le prénom de celui que vous voulez voir dehors. C'est scandaleux. Ils ont voté. Je trouve ça, mais honnêtement, scandaleux. C'est honteux. C'est honteux, tu es honteux. Et ils étaient combien ? C'était potes et en fait, non. 45 employés, ils ont dû en virer 5. Ouais, c'est incroyable. Tu dis, c'était potes, c'était collègues. C'est le conseil de Koh-Lanta, en fait. Hein. C'est un peu le truc, tu vois. Nous avons. La sanction est irrévocable. Prenez votre sac à dos, videz votre casier et vous êtes viré. Non, vraiment, c'est honteux à tel point que j'ai envie qu'on fasse la même chose ce matin. Mais nous, on dit non. C'est une blague. On ne peut pas voter contre quelqu'un. Nous allons voter contre quelqu'un de cette mais équipe non. qui va quitter. C'est toi qui décides ici. Je dis oui. Non, on le vire pas vraiment. Si. Si, si. Nous allons faire ça. Depuis 2 mois maintenant, j'ai essayé de la faire à la Denis Brognard. Depuis 2 mois maintenant, ils sont dans le studio Énergie en direct. Studio... Frisco, Jérém, Tiffany et Marco vont devoir voter pour l'un de leurs collègues. La sanction est irrévocable. C'est le conseil du 6-9. Votez. Alors vous prenez un papier les gars, je rigole pas, hein, je suis très sérieux. Bah allez. Prenez un papier devant vous. Mais t'inquiète pas, Tiffany, c'est sympa, vraiment viré. On vire pas la nouvelle. Prenez un papier, prenez un crayon. Ouais, ouais, j'ai pris. Vous inscrivez le prénom de quelqu'un de l'équipe. Maintenant. Oh, c'est dur, hein. Et est-ce que Yannick de la rédac joue aussi? Oui, ouais, je joue, mais j'ai besoin de ton bic. Bah alors tu votes pas contre moi, hein, si je t'ai Je te vois venir. Votez. Écrivez le prénom de la personne sur votre petit papier, vous pliez. Le conseil du 6-9, les amis. Nous allons savoir aujourd'hui qui, mec, je stresse, est la personne désignée par l'équipe pour être virée. On fait pas ça. On fait pas ça. On fait pas ça normalement. Et attends, elle avait fait une œuvre d'art aussi. Allez, c'est bon, Tiff. Qui va être éliminé aujourd'hui de ce conseil du 6-9? Frisco. Ouais. Ton vote. Alors. Tu ouvres, donne le prénom. Tiffany. Oh purée, mais il faut dire pourquoi. Il mais faut genre, ouais, et dans Koh-Lanta ils disent pourquoi. Ouais, il faut expliquer. Alors c'est pas contre toi parce que je t'aime vraiment bien, mais j'en peux plus de tes blagues de merde. Ah ouais, j'en peux plus. Et oui, mais tu pourras mettre 5€ dans la cagnotte aussi pour le mot. Oui, évidemment. Oui, oui. Je n'ai pas le bruit, donc voilà. Le prout. Voilà. On va pas mettre Koh-Lanta et la cagnotte. Voilà, ben. Ching. Un vote pour Tiffany. Jérém, ton vote. J'ai voté. Marco. Quel salaud, quoi. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Marco, j'aime beaucoup. L'aventure se passe très bien avec lui. Mais lundi, il est venu à la radio habillé en kaki de haut en bas. Style, je suis forestier du bois de la Cambre. Et je trouve que c'est inadmissible parce que c'est une faute de goût. Il était habillé vraiment en kaki, je rigole pas. Hein. La chemise kaki, on aurait dit un gars forestier. Et le lendemain, il s'est moqué du pull de Tiffany. Mais quel salaud celui-là. Qui avait un pull caca jaune dégueulasse d'ailleurs aussi. J'ai failli voter pour toi pour faute de goût aussi. Mais voilà, Marco était méchant avec Tiffany, donc je pouvais pas laisser passer ça. Un vote pour Tiffany, un vote pour Marco. Pour toi donc. Merci. Je suis dans la peau de Denis Brognard, donc c'est pour ça. Yannick. Alors moi, j'ai voté contre Frisco. Oh, mais j'ai rien fait. Mais parce que, mec, tous les jours, tu me nargues avec ta superbe chevelure, alors que moi, j'ai de moins en moins de cheveux. Et donc... Donc j'en peux plus, je suis au bout du rouleau. Mais je vais te les donner, tu vas recoller, fieux. C'est bah génial, ouais. C'est génial. Et ben pour l'instant, c'est un vote partout. Oh, purée. Ça va jouer maintenant entre Tiffany et moi. Ouais. Alors, Tiffany, moi je vote, pour. C'est pour moi, elle me regarde depuis tout à l'heure. Frisco. Mais parce que Jean-Pierre, tu es connu comme celui qui aime manger, mais tu ne ramènes jamais rien pour tes collègues. Et quand tu as un paquet d'M&M's, tu ne proposes pas tes collègues. Donc, c'est pas vrai. Donc, je vote pour toi. Je veux que tu partes de cette équipe parce que tu ne donnes jamais à manger à tes collègues. Non, je dis rien. Je dis ça rien. Clash. Moi, je dirais après, tu vois, au confessionnel, là. Tu vois, j'expliquerai après. Bah, c'est le confessionnel ici. Hein. Après. C'est génial parce que je m'y attendais pas du tout. Frisco vote pour Tiffany et Tiffany pour Frisco. Allez, le dernier pour moi. Vas-y. Et j'ai voté pour Jérém. Pourquoi Jérém, j'en ai marre. Quoi? Ça fait 3 semaines que tu nous saoules avec ta PlayStation 4. Tu vas nous l'acheter demain parce que je te jure que sinon je te la fais bouffer. Et c'est surtout que j'ai besoin d'une excuse avec ma nana le soir pour quand je joue. Tiens, qu'est-ce que tu fais? Mais je suis avec Jérém et Frisco, on brainstorm. On brainstorm en live sur la PlayStation. Eh bien, à la suite de ce conseil... C'est bon, je me barre. Les aventuriers de l'aventure l'ont décidé. Les aventuriers de l'aventure. Frisco, prenez votre flambeau, prenez votre casque. Et vous pouvez quitter ce studio. Je m'en vais vraiment ? Non, mais non, reste avec nous, dis, je t'en prie quand même, on a besoin de toi. Et c'est super drôle. Ah, c'est drôle. De clasher comme ça. Eh bah, ça, pourquoi pas se faire ça une fois par mois, par exemple, ouais, ou de temps en temps. Pour crever l'abcès de ce qu'on a dit. Et déjà, mes M&M's, je les partage avec tout le monde. Peut-être pas toi, parce que je sais que tu vas bouffer tout le paquet. Ouais, bah donc elle a bien fait, peut-être t'es content. Mais non, mais je t'ai pas proposé des M&M's ? Si, si. Et toi aussi ? Mais je m'en fous, tu proposes aux autres, c'est à moi que je propose. Je sens qu'il va y avoir des complots si on refait le Koh-Lanta. Magique. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse le conseil du 6-9 de temps en temps, comme ça vous nous dites? Oui, non, tout simplement, 30 par SMS ou sur les réseaux sociaux, venez nous voir. C'est les fufous du 6-9 sur Énergie. On revient avec le duel. Merci. Et Marshmello Happier. Merci Denis. Avec plaisir. À la semaine prochaine. Il n'en restera qu'un. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de... Co 6-9. Votre créativité. Alléluia, alléluia. Hermano Sopran Baba. Hermano Shaouela. Je suis toujours resté le même, je suis toujours resté le même. Je suis toujours resté franc, oui, comme ma première SACEM. 20 ans au-dessus de la mêlée, je ne sais pas m'arrêter, je sais que je devrais en laisser. Mais bon, je ne sais que les dresser, car j'ai ça dans l'ADN. Non, je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas faire doucement. Je les entends me tailler, normal, on taille que les diamants. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées, mais que des retournés à la Gareth Bale. Les baffés leur donner le tournis quand tombent les tout derniers chiffres. De leur carrière, j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre, donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens, zoom, zoom, zoom, comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la Leyenda. J'ai pas laissé mon ADN. Ah ouais, ouais. Me demande pas le juste prix. Le bail c'est de la frappe, tu paies. Ah ouais, ouais. Evry c'est méchant, méchant, méchant comme Marseille ou Chicago. Platin au plomo. Tous les jours je vais péter le mago. J'ai toujours un flic dans la vague. Collect and go. Ah, comme c'est loin le temps où je stressais dans les files pour aller faire mes courses. Oh. Et oui, sur collectandgo.be, on fait les courses à votre place. Et vous, vous profitez du reste. Collect and go, le service de course en ligne de Colruyt Group. Oui, dans une sur Énergie, bienvenue. Énergie. Chez Leonidas, on trouve des Saint-Nicolas au chocolat. Chocolat 100% pur beurre de cacao, sans huile de palme, et déjà à partir d'1,60€. Leonidas, la boîte à bonheur.

matinée sur Énergie 8h08. Qui va arriver dans un petit instant côté hit. 8h08, c'est le rendez-vous qu'on a tous les jours. 8h05 aux alentours, hein, plus ou moins. Vous avez compris que c'est plus ou moins ici, hein, c'est tout en plus ou moins. Voici l'heure du duel énergie avec le retour de Marie ce matin, notre maître du duel à 200 euros. Le duel énergie. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour, bonjour. Marie qui revient, 200 euros dans sa cagnotte. On va voir si ça grimpe pour elle aujourd'hui, puisqu'on rappelle le concept de du duel énergie. Vous gagnez jusqu'à 500 euros par jour. C'est 100 euros par extrême musical. Ouais. C'est un blind test, en fait. Et vous pouvez cumuler vos gains. Et mieux, le jour où vous vous êtes détrôné et que vous perdez, eh ben, vous repartez avec la somme que vous avez cumulée jusqu'au moment où, voilà, où vous perdez. Et on a déjà offert des très belles sommes. Hein. Ouais, 300 euros. Ouais. Pour Benjamin, le plus gros. Et la dernière en date, c'était Colline avec 2600 euros. On te souhaite bonne chance ce matin, Marie, pour que ça le fasse pour toi. Mais on a Célestin qui est face à toi ce matin. Oui, Célestin qui est étudiant en gestion à Mons. Il est fan de foot et il est supporter d'Arsenal en Angleterre. En ce moment, il regarde la série Bodyguard sur Netflix. Hein, c'est un peu la série du moment, j'ai l'impression. Ça, ouais. Et sa musique du moment, c'est Rêve Bizarre d'Orelsan et Damso. Donc, Marie, fais gaffe à toi parce que Célestin is in the place et il va te faire une passe au sol et il va ramper et te prendre ta place. Elle est possédée. Si on a un médecin qui nous écoute, un psychologue. Ah, bah non, Marie, qu'est-ce que tu peux faire pour elle? Est-ce qu'on peut remettre la phrase dans le contexte? Il va te faire une passe au sol, il va ramper, et puis quoi? Et te prendre ta place. Mais moi, ta place. Ouais, voilà. J'avais l'image très, très précise en tête. Ah, bah, il y a avec toi. Il y a avec toi qui avait l'image. Hein. Ouais. Un médecin et un psychologue, s'il vous plaît. Bonjour, Célestin. Salut à tous. Salut. Célestin, Marie, vous allez vous affronter dans un duel ce matin. Ouh, beau duel. Nous allons jouer avec la pub aujourd'hui. Les musiques de pub. Oh, eh oui, dans la pub, il y a souvent de la musique. Et donc, je vais vous mettre les extraits de musique. Il va falloir me dire de quelle pub, quel produit ça vient. Est-ce que c'est, je sais pas moi, Sony, PlayStation. On peut dire les marques. Hein. Oui, dites les marques, on s'en fout. C'est pas grave, on dira le reste après, on donnera un don de marque. Voilà, histoire qu'on nous dise pas qu'on fait de la pub. C'est pas le but. On embrasse tout le monde. Exactement. Donc, vous l'avez compris, ça sera les musiques de pub et il faut nous donner le nom de la marque qui représente donc la pub, tout simplement. Et on rappelle la règle très importante du duel énergie. Le buzzer, c'est votre prénom. Avec un peu plus d'enthousiasme, Célestin. Célestin, prénom, tu nous saoules ça tous les jours. Non, moi, je suis prêt à jouer, là. Eh ben, on y va. Célestin, Marie, bonne chance. Jusqu'à 500 euros à vous faire ce matin. On cherche donc les pubs, les marques qui se cachent derrière ces musiques. Premier extrait. Célestin. Célestin, il est chaud. On t'écoute, Célestin. Nutella. Nutella. Oh, t'as dû en bouffer, toi. J'avoue. C'est la bonne réponse. Eh oui. Ah, c'était Nutella. Les moments Ferrero. Et on embrasse Choco Suisse et tous les autres. Hein. Je sais pas ce qu'il y a d'autre comme partage. Swan. Enfin, je sais pas. Ouais. Toblerone et enfin tous les chocolats. Ouais, quoi. Voilà. Vive le chocolat. Bonne réponse, Célestin. Ça fait 100 euros dans la cagnotte si tu deviens maître du duel aujourd'hui, Célestin. Un point, en tout cas, pour toi avec cette première bonne réponse. Attention, deuxième extrait. On cherche donc les marques qui se cachent derrière ces musiques de pub. Ah oui, ça me dit quelque chose. Oui, moi je l'ai. Tu l'as, toi? Ouais. Chut, tu dis rien. Célestin, Marie, vous ne pouvez plus rien dire. Malheureusement, les 5 secondes sont passées. Il est pour vous ce matin, les fifous. Je vous le fais réécouter. Est-ce que vous avez trouvé la marque qui se cache derrière cette musique? Si je vous dis appareil photo. Voilà, je ne donne pas plus que ça. Ah oui, je l'ai. Tu l'as? Ouais, c'est j'aime prendre des photos avec mon appareil photo. On nous dit duel Philips. Non, c'est pas Philips. Il est vraiment canon, cet appareil. C'est pas canon non plus. C'est pas canon, non, les gars. C'est pas canon, voilà, je vous donne l'indice, c'est pas celui-là, donc réfléchissez, il en reste plus beaucoup. Hein. Vous envoyez duel plus la bonne réponse au 78, vous avez retrouvé quelle marque se cache derrière cet extrait. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est parce que je savais pas ce que c'était. Il était persuadé que c'était canon, en fait. C'est vrai, excellent. Canon. Non, c'est pas canon, c'est l'autre en non aussi, mais c'est pas canon. C'est nickel. C'est nickel, c'est ça. Nicole. Non. Oh, pardon. On nous envoie plus la bonne réponse. Bikini. Alors, je pense que c'est le correcteur orthographique. Duel au 78 plus la bonne réponse. réponse, 1 euro le message envoyé et reçu. Célestin, Marie, on y retourne. Voici le troisième extrait. Celui-là, je sais pas pourquoi, ça va aller très très vite. C'est parti. Célestin. Célestin, on t'écoute. La maf. C'est la maf que je préfère. C'est la maf. Bonne réponse. Appelez-moi le directeur. Le fameux appelez-moi le directeur. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Marie, tu regardes pas beaucoup la télé? Non, pas du tout. Chouchou. Ah ouais, on est désolé. Hein. Ça fait 2 points pour Célestin ce matin. 200 euros potentiels dans sa cagnotte. Ouais, on en est où? Aïe. Il reste plus que 2 extraits. Ça va être compliqué, Marie, chouchou, ouais. Ça pue. Ça, c'est foutu, hein, je pense. Ça pue. Voici les deux derniers extraits. Les deux derniers extraits, tu peux sauver l'honneur, Marie. Vraiment. Voici, donc on cherche la marque, hein, qui se cache derrière ces musiques de pub. Célestin, ouais, tout juste. Hein. Je dirais Kiabi, mais pas sûr. Kiabi, la mode à petit prix. C'est pas ça. C'est pas Kiabi, on embrasse H&M et Zara au passage. Ouais. Non, c'est pas ça, c'est Marie, pas Kiabi. Marie, une proposition? Aucune idée. Aucune idée, c'est pas ça non plus. Et on embrasse, j'ai pas d'idée. Et je vais le faire écouter vite fait, on se le trouve entre nous. Je mange des boulettes et des frites. Ikea. C'est vrai? Mais ouais, c'est Ikea. D'ailleurs, ça finit, je pense. Est-ce qu'on va l'avoir? Ikea. Voilà. Eh ouais, on embrasse Lenbacker. Et Maison du Monde. Et Maison du Monde. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que t'as dit, Célestin? Pourtant, je suis un grand fan des boulettes Ikea. Ah bah ouais, qui ne l'est pas? Ah ouais, moi, je vais passer mon mois de janvier là-bas. Oh là là. Ah ouais. Il paraît que la famille de Frisco, ils font Noël chez Ikea. Non, qu'il est bête. Bonne réponse, en tout cas, de l'équipe Ikea. Personne ne l'a trouvé, c'est génial. Il me dit Tarba. On y va, dernier extrait. Célestin, Marie, c'est pour vous. On se concentre, il va être facile aussi celui-là, je pense. Attention, c'est parti, on cherche donc la pub. La marque qui se cache derrière ces musiques de pub. Célestin, on t'écoute. Coca-Cola. Oh, il a été rapide, Célestin. 3 points, 300 euros, Célestin. Ouais. Eh oui, c'est bien Coca-Cola. Big up à Pepsi, à Sprite, à Fanta, enfin à tout le reste. Voilà. Sans oublier Lipton Ice Tea. Taste the feeling. Oh yeah. Allez, t'as vu, ils ont mis les... Pardon, excuse-moi la voix. Ils ont mis les Pères Noël maintenant sur les canettes. C'est vrai? Ouais. Oh, génial. Bon, big up à toutes les autres marques. Eh ben, vous savez quoi? Avec 3 bonnes réponses ce matin, 300 euros. Célestin devient notre nouveau maître du duel. Bravo. Ben ouais, bravo. Je suis le seul à applaudir. Quand même. Bravo Célestin, 300 euros dans ta cagnotte, c'est un bon début. Marie, on est désolé ma chérie, mais 200 euros gagnés pour toi, quand même, bravo. Oui, c'est pas grave. Ouais, c'est un beau petit montant. C'est déjà bien, hein. Pour les cadeaux de Noël. Bah oui, attends, c'est pas mal pour les cadeaux de Noël, voilà, ou un petit week-end. Tu te fais plaisir toute seule. Mais oui, tu dis rien à personne. Peut t'acheter un beau petit truc à 200 euros. Hein. Oui. Tout à fait. Un beau. Enfin, quoique, les filles, non, hein, c'est. Ouais. 200 euros. Oh, c'est une paire de chaussures. C'est vite, mais. C'est une paire de chaussures. C'est une paire de chaussures, bien vu. Moi, c'est plusieurs paires. Ouais, mais toi, t'es à part, toi. Ah, ouais, toi, t'as vu la tronche de tes pompes. Tu vas au rayon. Je sais pas où tu vas les acheter, tes chaussures, mais sans rire. C'est incroyable. 3, 5, 7. Je sais pas c'est quoi ce magasin, j'irai jamais mettre un pied. Marie, on t'embrasse, 200 euros, on te fait le virement dans la journée. Bisous à toi, Marie. Ouais, gros bisous. Bisous. À bientôt. Bisous. Tiens, faut que j'arrête de dire on fait le virement dans la journée, parce que je sais même pas si on le fait le jour même. C'est pas mais vrai. C'est fait dans la semaine, en tout cas, ça je le sais. Célestin, on te fait dans le mois. Dans le mois. On te souhaite une excellente journée. Rendez-vous demain, 8h05. À vous aussi, à demain. À bisous, demain. Salut, Célestin. Et alors, on repart avec celui-là. Personne n'a trouvé. Est-ce qu'il y a des fifous qui ont trouvé au 78? Ouais. Alors, on nous a envoyé Duel, tu es canon, alors c'est Nikon. C'est Nikon? Ouais. Bah ouais. Plein d'autres bonnes réponses aussi. Hein. Eh bah, génial. Ouais, c'était Nikon qu'on cherchait tout à l'heure derrière cette pub. Et donc, big up à Canon et à Panasonic. Autres. Voilà. Et c'est tout. J'en ai plus d'autres. Minolta. C'est un vieux appareil photo, mais je sais que ça existe. Minolta. Rendez-vous demain 8h05 pour un nouveau duel, les fifous. Le duel énergie. 6-9

Énergie, Black Friday. Gagnez 1500 euros de shopping. Et là, je ne veux pas vous mettre la pression. Il vous reste que quelques minutes pour vous inscrire. On va appeler le gagnant ou la gagnante aujourd'hui. 1500 euros de shopping pour aller vous faire plaisir demain à l'occasion du Black Friday. C'est à City 2 et on vous donne 1500 euros à dépenser demain à l'occasion du Black Friday. Voilà, c'est quand même un beau cadeau. Vous inscrivez maintenant, vous envoyez City, C-I-T-Y par SMS au 78. C'est 1 euro le message envoyé et reçu. City au 6018. Inscrivez-vous maintenant vraiment et puis vous pichez. C'est dans moins d'un quart d'heure, enfin un petit peu plus d'un quart d'heure, pardon, qu'on va appeler le ou la gagnante. Ça peut être vous. Je croise les doigts et on s'entend à 9h. Hein, ça va, on fait ça? Allez-y. Ah, City au 78. À tout de suite. Love me tonight. Give me your heart and intertwine. Your body's a mind, body's a mind. I got words on my mind, words on my mind. Listen to the groove, let go and follow in the mood that's flowing. Yeah, we're like a wave that's growing into a song so loud I gotta get it down. Commandez vos offres Black Friday sur Crefel.be avant 22h30, livrez chez vous le lendemain. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. Dans un instant, c'est les sondages du jeudi. 24% des Belges disent le faire par obligation. À votre avis, c'est quoi? Réponse dans quelques minutes. Avant ça, un point sur l'actu et la météo pour aujourd'hui. Des nuages et du brouillard ce matin, attention au volant, des plaques de givre se trouvent sur quelques routes du pays. Quelques éclaircies sont possibles en cours de journée, il fera sec aujourd'hui avec des maxima de 3 degrés en Haute-Fagne et 7 degrés ailleurs. 8h31, on s'informe, l'actu de ce jeudi 22 novembre avec Yannick Farkas. Bonjour Yannick. Bonjour Marco et bonjour à tous. L'association Slow Cosmetics a alerté sur la dangerosité des produits cosmétiques. L'utilisation abondante des produits de beauté pourrait avoir de nombreux effets négatifs sur notre santé, mais aussi sur l'environnement. Les produits cosmétiques tels que shampoing, gel douche ou crème sont utilisés par la majorité de la population. Une grande partie d'entre eux sont pourtant composés de conservateurs chimiques qui peuvent se révéler néfastes pour notre santé. Depuis 2012, l'association Slow Cosmetics alerte sur la composition de ces produits et milite pour que leur utilisation soit plus responsable et écologique. L'Union belge de football s'est constituée partie civile dans la grande enquête concernant les fraudes dans le football. Cela dit, l'Union belge n'a toujours pas eu accès au dossier pénal un mois plus tard. La partie civile a pourtant le droit d'avoir la possibilité de consulter le dossier judiciaire complet, mais aussi de demander des actes d'enquête supplémentaires. Enfin, il est possible également de demander une indemnisation pour les préjudices subis. La compagnie aérienne Emirates va organiser deux journées de recrutement. Ça se passera à Bruxelles le 28 novembre et Anvers le 17 décembre. La compagnie propose des postes de personnel navigant pour répondre à sa croissance. Aucune expérience n'est requise, mais la compagnie impose un certain nombre de critères, comme l'âge minimum de 21 ans. Le géant du commerce en ligne Amazon a révélé qu'un bug informatique avait accidentellement divulgué les noms et adresses e-mail de certains de ses clients. L'entreprise a assuré qu'il n'y avait pas eu de violation du système. Par précaution, des messages ont toutefois été envoyés aux clients concernés. Enfin, une histoire belge. À présent, le sapin qui devait se trouver sur la Grand Place de Bruxelles aujourd'hui n'y est toujours pas. Il sera installé plus tard. En cause, eh bien, les chantiers de la capitale. Le sapin s'est retrouvé coincé un peu partout à Bruxelles. Une des terrasses de la Grand Place a même dû être démontée pour que le sapin puisse passer. C'est énorme. C'est génial. J'ose imaginer la taille du sapin, quoi. Mais il est de plus en plus grand. Hein. Si tu remarques, chaque année, il est énorme. Un jour, il va faire toute la Grand Place. Tu pourras même plus accéder à la Grand Place. Ça sera le truc du sapin. Vous devez le voir de l'atomium. Chaque matin, le 6-9 sur Énergie me donne quelque chose. Et ben aujourd'hui, c'était la nausée. Oh bah merci. Ça fait plaisir. Quelle gentillesse. Oh là là, tant d'amour. 8h34, bonjour. Bonjour. On est là jusqu'à 9h, encore une demi-heure avec 1 500 € de shopping à vous offrir aussi. Et les sondages qui arrivent juste après. Trees. It's true if you believe, you can get anything you want to achieve. And that's worth to everything tatted on my sleeve. It ain't what you see, a G is underneath. I've left plenty positions of feeling comfort. When shit ain't cool, fools run for it. You gon' remember my name when I'm done with it. And when it's said and done, I'll be at the top where the summit is. 10 toes, we the ones who run it. Everything running smooth, there ain't no dysfunction. If we talking money, homie, that's a good discussion. I'm talking motivation with no interruption. When I grow up, I wanna be like Wiz Khalifa. Have lots of cool stuff. When I grow up, hear my music through the speakers. I wanna feel love. When I grow up, I wanna have enough to pay the bills. And buy my mama house upon a hill. I wanna be like Wiz Khalifa. When I grow up, when I grow up. Person, I'ma always give my all, yeah. Haters talking down, they wishing that I fall, yeah. Every time I get a chance, know that I ball, yeah. Anytime I need my game, they right there for me. I go hard, yeah, from the start, yeah. Never tried to rush things, I play my part, yeah. Never said it's easy, they could make things hard, yeah. Every time you see me, look like we performing. I'm a star, yeah, living large, yeah. Look at me like a boss because I paid the cost, yeah. Had to slow it down, I had too many bars, yeah. Now I got the younger kids singing out. Bon début de journée avec nous, Offenbach. C'est la suite de vos hits sur Énergie, j'aime beaucoup ce titre. Avant ça, comme tous les jeudis, aux alentours de 8h35, voici les sondages du jeudi. Allez, on y va, je vous donne des petits chiffres, à vous de deviner de quoi il s'agit. Il y a un sondage belge en plus aujourd'hui, donc restez bien branchés. On commence avec les filles. 63% des filles sont furieuses quand elles parlent à un garçon et qu'il fait un truc particulier qui les énerve, mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, moi, beaucoup, beaucoup. Jérém. Que le mec regarde le décolleté de la fille, en parlant. Non, c'est pas ça. Frisco. Quand le mec parle trop de lui. Oh, ça doit être bien relou, ça. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Quand il te postionne Stéphanie. Dessus. Quand il... Ah, ça, il y en a qui... Et alors, il se rapproche de ton visage, comme ça, et ceux qui puent de la bouche aussi. Ouais. Ouais. Là, elle est en train de se faire tous ses rancards, tu vois, elle se dit. Ah, c'était passionnant tes rancards, toi. Marco, non, c'est pas ça. Est-ce que c'est quelque chose que le gars fait ou dit? Alors, Jérém, c'est un truc que. Un gars. Allez, que le gars fait, j'ai envie de dire. C'est pas un truc qu'il dit, c'est un. Comment on appelle ça? Non, c'est un tic? C'est pas un tic, c'est un. Une action. Une action. Merci, Frisco. De rien. Une action qu'il fait. et que ça énerve 63% des filles, elles sont furieuses. Moi quand il est pas galant. Pas galant, non. Quand il ouvre pas la porte. Vous allez voir, non, c'est pas ça. Vous allez voir, c'est évident. 63% des filles sont furieuses quand elles parlent à un mec et qu'il fait semblant de les écouter. Ah ouais. Ah ouais, et qu'après il fait ah ouais. Tu m'as pas écouté. J'ai envie de vous dire, les filles, il y avait une pub qui était comme ça, qui était géniale. Où ça faisait donc la fille qui parlait au mec, je t'aime, il n'entendait que les mots qu'il avait envie d'entendre. Excellent. C'est la vérité. On vous entend comme pas. Ça. Oui, Tiffany, c'est... quand tu nous parles en réunion, c'est que je brave, je du serveur. En fait, voilà. C'est vraiment ça. Sachez-le. Mais non, mais on vous aime. Hein. Mais oui, on vous aime, mais attendez, les filles, comme j'ai dit, on a besoin de vous. Sans vous, on n'est rien. C'est vrai. Et sans vous, on ne serait pas là d'ailleurs. Eh oui. Une personne sur quatre le déteste par-dessus tout, mais pas tout. Déteste. Une personne sur quatre, à votre avis, qui le déteste? Le lundi. Ah bien, c'est pas ça. Mais bien proposé. Jérém. Faire ses devoirs ou faire les devoirs des enfants? Non, c'est bien pensé aussi, c'est pas ça. Non, une personne sur quatre déteste le faire. Enfin, pas le faire, hein, c'est. Il déteste. C'est une personne même, je vous donne un indice. Par-dessus tout. Il déteste cette personne. Ouais, moi, Frisco. Moi. Le mécanicien qui va l'arnaquer. Il parle d'expérience là. Ah, le mec a fait son contrôle technique hier. Non, ça sent le j'étais chez l'entretien, ouais, ça m'a coûté une plombe. C'est pas grave. Son proprio? Tiffany. Et vous réglez vos problèmes ou quoi? C'est quoi ça? Non, une personne sur quatre le déteste par-dessus tout, son patron. Ah, oh, bah ouais. Alors nous, c'est pas le cas. Nous, c'est tellement pas le cas, du coup, ça nous pense pas en fait. C'est ouais. Et c'est pas du lèche-cul, hein, loin de là. Hein. C'était vraiment parce qu'on le kiffe de ouf. Ah, il est très très. Bah, c'est un poteau. Hein. Bah, c'est ça. C'est un potron. C'est pas un patron, c'est un potron. Poteau et patron en même temps. Mais ça m'étonne pas qu'il y en ait qui le détestent. Bah, je peux comprendre, ouais. Mais leur patron, ouais. Une sur quatre, ça fait quand même 25% quasi. C'est chaud, c'est beaucoup, ouais. C'est pas mal, c'est énorme. On finit avec ce sondage bien de chez nous, sondage belge. 24% des Belges disent le faire par obligation. C'est hallucinant. Tiffany. Le ménage, non, c'est pas ça. Jérém. Aller à la salle de sport? Non. Par obligation. J'ai même envie de donner un indice, c'est dégueu. C'est vraiment dégueu. Je vous jure, 24% des Belges disent le faire par obligation. Je trouve ça. Nettoyer les toilettes? Non. Sans rapport avec le nettoyage, en tout cas. Ah, faire les machines des autres? Non. Oh, je sais. Tiffany. Ramasser la crotte de son chien. Moi, ça me fait vomir. Bah, t'as pas de chien. Mais non, mais. Non, c'est que elle dans un parc, elle voit une crotte, elle dit je vais le ramasser. Mais non, mais quand j'étais chez mes parents, on avait un chien et quand le chien se lâchait, bah oui, il fallait ramasser et non, quand c'est pas ça. Sur moi, c'était c'est horrible. Pas ça, c'est en rapport avec le nettoyage. 24%, allez, je vous le donne. 24% des Belges disent le faire par obligation, prendre une douche. Oh, bah mais c'est dégueulasse. C'est dégueu. Hein. Ouais, par obligation. Par obligation, c'est parce qu'on est obligé, alors ils la prennent. Sinon, ils prendraient pas de douche. C'est presque un quart. C'est abusé. Moi, j'ai ça avec, par exemple, à se brosser les dents. Il y a des soirs, je rentre très tard, j'ai pas envie de me brosser les dents parce que je suis crevé et je m'endormais déjà dans la voiture. Vous avez pas ça? Vous dites pas parfois, j'irais bien vite au lit sans me brosser les dents? Non. Tiffany, elle le fait. Mais non, mais je comprends ce que tu veux dire. Il y a des fois des soirs où t'es tellement crevé que tu te dis, moi, je m'endors dans le divan et puis je me réveille. Et oui, je vais dans mon lit. Mais dans le divan, madame a un divan. Nous, on a des canapés, elle a un divan. C'est normal, c'est une diva. Avec une grande couverture qui prend tout mon corps. Non, mais c'est vrai, le brossage des dents, il y a des soirs, je zappe, je te le cache mais pas. Moi, je le fais par respect par ma copine. Il y a des fois, je rentre à 2-3 heures du mat, j'ai juste envie de rentrer dans mon lit direct. Oui, mais si tu sens la bière, fieu, c'est normal que je fais pour ta copine. Hein, c'est aussi. Ah, moi, c'est elle qui me le dit tout le temps, comme une mère, je te jure. Elle est là, tes dents. Non, je dors déjà. Mais ça fait. J'ai l'impression que c'est Chantal là-dessous à chaque fois qu'il limite, c'est ça? Chantal, non! Quand je parle d'elle maintenant, faut que je fasse. Ma femme, elle disait toujours. À la Colombo, tu vois. On l'a jamais vu, ta femme. Mais ouais. Et vous l'avez jamais, c'est la mienne. 8h42, voici au Fun Bag sur Énergie. Bonne matinée. Paradise. Oh, I wish you.

C'est décidé, je diminue ma consommation d'énergie. C'est décidé, j'achète mes produits à la ferme. Agir de manière responsable, nous le faisons déjà tous et tous les jours. Et si nous faisions la même chose avec nos investissements ? Chez CBC, nos experts vous accompagnent et vous proposent une gamme de fonds de placement qui respectent vos attentes et aussi vos valeurs. Découvrez nos investissements responsables sur cbc.be/respectinvest. CBC Banque et Assurance. Décidez d'avancer. Pratique, ce click and collect. Jouet Bros, fournisseur de bonheur. Lady Gaga qui va arriver côté dans un petit instant, extrait du film Born to be Alive. Ça va arriver juste après un petit point sur les routes. Oui, bah la nana tranquille, la stagiaire, elle arrive, elle dit bonjour. Elle ça dit va, bonjour, on ne dérange pas. Vas-y, va dire bonjour. Il n'y a pas d'émission de radio ici. Ouais, elle me dérange énormément, ouais, vraiment. Yannick, il est perturbé. Les gars, maintenant, elle est toute rouge, elle aussi. Tu sais que j'ai eu des problèmes hier, je suis allé au resto, elle m'a regardé, ma femme a fait. Alors, comme ça, la stagiaire est jolie. Moi, j'ai dit ça. J'avais dit ça, moi. Mais arrête, elle n'était pas au courant que tu l'avais dit. Ah oui, c'est vrai, pardon. Bref, le trafic est perturbé entre Dessous et Uguzé, vous perdez 30 minutes. Trafic perturbé toujours entre Waterloo et Bruxelles, vous perdez 17 minutes. Toujours ce véhicule en panne, place Stéphanie, évitez la zone si vous le pouvez. Le trafic est perturbé entre Hervé et Herstal, vous perdez une heure sur cette route. Et enfin, on signale un poids lourd en panne. Conditions difficiles sur la E411 de Namur à Luxembourg. Tant de zones, c'est maintenant de venir. Vas-y, viens. Ouais, tu vois. Voilà, Marco fait un bisou à la stagiaire. Ouais. Parce que nous... Ça sent toujours bon le monoeil, c'est un truc de fou. La meuf, elle est en huile. Oh, ça y est, elle m'a embaumé là. Elle est en huile permanente. Fais gaffe, tu vas avoir des problèmes avec le copain de la stagiaire aussi. Ah ouais, je suis à Bamako. Ah, t'as un copain? Oui. Ah, bon, d'accord. Bon stage, hein. Lady Gaga, on écoute ça, les copains. Juste après, on revient avec le Game Song. Ah, j'adore, c'est quand on remplace un mot dans la chanson par un bruit d'animal. Ouais. C'est génial. Très drôle. Mais c'est magnifique, vous allez voir. On joue à ça juste après Lady Gaga. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.

Tu nous le lis après, Georges Ezra. Ah, juste après. Ah, oh, ouais. Okay. Comme ça, avant de partir, on a le message. Et puis, on a 1500 euros shopping. 1500 euros de shopping. Vous envoyez City au 78, il vous reste 2 minutes là. 1 euro le message envoyé et reçu, City au 6018 et 1500 euros de shopping. Désolé, Georges Ezra, je t'ai un peu bouffé l'introduction. Sun and change in the atmosphere, architecture unfamiliar. I could get used to this. In the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager toes, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. Sur Énergie, on vous laisse avec Tanguy, la playlist partagée ce matin, playlist de Laura. Laura qui va arriver avec sa playlist et qui a laissé un petit message pour nous. Oui, alors elle dit tout ça, donc cette playlist pour mon chéri et pour moi pour le retour vers la maison après avoir conduit mes enfants. Et alors elle rajoute, merci à vous les fifous, vous nous faites toujours rire. Oh, oh merci. Bisous Laura. Bisous Laura, c'est super bisous. Adorable. Vraiment, merci beaucoup Lolo. Et ben, tu sais quoi, c'est ta playlist Laura qui va arriver dans un petit instant. Playlist faite par tes soins, c'est Tanguy qui va la jouer. Exactement. Voilà. Et ben, merci Laura pour le message. Allez, on va se quitter. Avant ça, on a du lourd quand même à vous offrir. Énergie, Black Friday. Gagnez 1500 euros de shopping. 1500 euros de shopping à dépenser à City 2, c'est demain à l'occasion du Black Friday. Ça va tomber pour l'un ou l'une d'entre vous. Ça fait déjà maintenant depuis lundi que vous vous inscrivez par SMS au 6018. Le moment est venu d'appeler le ou la gagnante à qui j'espère ça va faire fort plaisir. 1500 euros de shopping. Oh bah j'espère aussi. À dépenser demain au City 2 pour le Black Friday. Tiffany, tu peux composer le numéro de notre gagnant. C'est parti. Serait bien que la personne réponde, mais dis pas oui, allô. Allô. Oh moi j'ai pas. Allô, bonjour. Allô, allô. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, c'est comment ton prénom? C'est Kelly. Kelly. Oui. Kelly. Oui. Kelly. Oui. Kelly. Kelly, tu viens d'où? Je viens de Belette-sur-Sambre. Je m'aime sur Sambre. Kelly. Oui. Kelly. Kelly. Oui. 500 euros de shopping, c'est gagné! Bravo Kelly! 1500 euros pour aller dépenser ça demain pour le Black Friday à City 2. Kelly, c'est gagné, bravo! Merci, merci, merci! Allez, tu m'étonnes, il y a de quoi être contente. Au top, je vous écoute tous les matins. Franchement, ne changez surtout pas toute l'équipe. Et si je peux me permettre, je fais juste un petit message à ma maman. Elle a 50 ans aujourd'hui, donc bon anniversaire. Et bon anniversaire. Merci. Bon, avec plaisir. Voilà, merci beaucoup à vous, vous êtes super, ne changez pas. Oh, c'est chaud, oh, c'est chaud. Merci beaucoup. Tu dois pas être si gentil, tu les as gagnés, tes 1500 euros. Non, mais franchement, je vous écoute tous les matins, je suis dans la voiture, je savais que c'est un fermeur à domicile. Mais donc, du coup, voilà, je vous écoute tout le temps. C'est génial. Bah, c'est gentil, merci beaucoup, Kelly, ça me touche beaucoup. Ça fait très plaisir. Et 1500 euros, Kelly, pour toi. Tu sais déjà un peu ce que tu vas acheter, des fringues, des. Des fringues et certaines cadeaux. Bah ouais, les cadeaux, forcément, ça va commencer. Et achète-toi un nouveau téléphone aussi. Ouais. Eh ben, Kelly, on t'embrasse très très fort. Bravo encore, 1500 euros. C'est pour toi, ma Kelly. Tu vas te faire plaisir demain pour le Black Friday à City. Tu sais, ce qui pourrait être très sympa, c'est que tu fasses une photo avec tous tes sacs d'achat et que tu mettes ça sur les réseaux sociaux. Ouais, tu nous envoies ça sur Facebook. Pas de soucis. Et on veut comme dans Sex and the City, hein. plein de sacs. Hein. Du sac, on veut-tu, en voilà. On t'embrasse, Kelly. Belle journée, à bientôt. Oui, gros bisous. Bisous, Kelly. Bisous. Oh là là, c'est chou. Vous savez, franchement, on fait ce métier pour ça. Moi, je me lève le matin, c'est pour ce genre de choses. Kelly, pour les 1500 euros et pour être avec vous, évidemment, chaque matin. C'est un pur bonheur, les fifous. On est en kiff total. Et si on vous embête aujourd'hui, Hakuna Matata. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci, sur énergie, Hakuna Matata. Eh oui les gars, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ma mère me dit tout le temps, ça me saoule. On vous souhaite une excellente journée les fifous, rendez-vous demain. Demain c'est vendredi. Ouais, dans une semaine on fera l'émission en live, peut-être en nuisette. Ça dépend de vous, il faut qu'on soit à 10 000 sur Instagram. Pour l'instant, on est mal, hein, je vous le dis. Les fufous du 6-9 sur Énergie pour venir nous rejoindre. Tout simplement, on arrive à 10 000 avant vendredi et on fera l'émission en nuisette. Oui, Tanguy, en nuisette. Et toi aussi, d'ailleurs. Je suis pas là le vendredi 30 parce que c'est mon anniversaire. Viens, avec nous. Oui, j'ai pris congé, c'est mon anniversaire. Bien, chouchou. On vous embrasse, les fufous. À demain. Le 6-9 revient. Demain, dès 6h. Dès 6h sur Énergie. C'est le 6-9 qui vient te réveiller. Ma voisin. Salut, bon pipi. C'est quoi ce pull de toutes les couleurs? C'est pour fêter le Black Friday chez Gamma. Ah? Oui, chez Gamma, pour le Black Friday, ils offrent la TVA. Chouette, mais pourquoi tu ne t'habilles pas en noir alors? Parce que je suis rouge de plaisir, bleu je veux et je vois la vie en rose. Bon, j'ai compris, hein? On y va? Gamma, votre partenaire bricolage au meilleur prix. Gamma! Demain, à l'occasion du Black Friday, Gamma vous offre la TVA. Et votre Gamma est ouvert jusque 21h. Conditions sur gamma.be. And you're listening to Énergie. Je fais un coucou particulier à Laura, puisque oui, Laura, aujourd'hui, c'est ta playlist partagée qui a été choisie. Ouais, vous commencez à connaître, hein, 5 titres que Laura a choisis sur energie.be. Et puis moi, je vous les partage tous les matins à partir de 9h. Vous pouvez faire comme Laura, foncez energie.be. Alors Laura, apparemment, elle aime bien Que Black, puisqu'elle a choisi deux Que Black qu'on va écouter. Voici déjà un premier, Maroon 5 et Maître Gims dans la suite. Light up the oak and drink some rum. Link up the girl, them we get some fun. And we make the girl, them giddy man bun. And look around the place, this is London. On est où là? Pour une paire de fesses, nous on trahit pas les nous. On est où là? Nous on encaisse le baiser, on trahit pas les nous. Alléluia. Ouloulou. Ouloulou. Nous on pose des bouteilles, équilibré. Nous on veut que l'oseille, équilibré. À quand le jour de la paix, équilibré. En vrai on s'en bat les couilles, équilibré. Ah, ah, ah, équilibré. Ah, ah, ah, équilibré. Ah, ah, ah, équilibré. Ah, ah, ah, équilibré. The bad gal wicked, équilibré. Me make the gal turn freaky, équilibré. Them a fait wine pon the dicky, équilibré. Throw them pa y'all like the city, équilibré. C'est la street, qui envoie de la bombe, c'est la street. Ce soir c'est de la